bonsoir et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, nouvel épisode du BIM, donc notre émission, on dirait comment, bimestrielle, de rentrée on va dire. C'est ça. C'est-à-dire de rentrée pour ce numéro spécial, qui est spécial ouais, notamment. Bimestriel. Voilà, on a un peu marché dessus. Un peu débordé, voilà, c'est ça. Donc, comme d'habitude, on va vous parler des sorties bande dessinée, des sorties comics, des sorties manga qui nous ont, bah, qu'on a lu déjà, qui nous ont plu principalement, ou qui nous ont moins plu aussi, ça peut arriver. Pour cela, je ne suis pas tout seul parce que vous avez entendu mon collègue habituel, Tuntun. Bonsoir Tuntun. Salut. Prêt. De retour. Ah ouais. Enfin. Hallelujah. Hallelujah. En espérant évidemment qu'on a un rythme de parution qui reste, qui se stabilise en fait par la suite. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Après différentes pérégrinations qui nous ont empêchés d'enregistrer du fait de connexions inexistantes ou insuffisantes en tout cas pour avoir de la qualité audio. Évidemment, nous ne sommes pas tout seuls puisque nous sommes également avec Yao. Bonsoir Yao. Salut, Kombawa Minna, Mengi Nesga. Comment il se la pète. Ouais. C'est mathématique, non? Eh, hey, pas que, on parle de BD en général. Ouais. Moi je suis pispo de manga. Donc, j'assume. Comme nous trois en fait. Un peu, c'est un peu le principe. Ouais, c'est bien. Donc je vous propose, alors comme d'habitude, on va s'intéresser d'abord aux nouvelles séries, on s'intéressera ensuite aux séries en cours et ensuite aux séries qui se terminent. Il y aura également un magnifique dossier réalisé par moi-même, évidemment, qui concerne la rubrique rétro, plus sérieusement qui concerne la série Kenshin le Vagabond qui était sortie, notamment qui est sortie aux éditions Glénat. Je vous propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet en te donnant la parole, Tuntun, puisque tu vas nous parler des deux premiers volumes de la série. C'est qui mon voisin de classe? Ça y est, enfin, t'es prêt à faire une blague, non? Non, du tout, mais même pas. C'est un peu, j'ai pas fait attention, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est qui ton voisin de classe? C'est qui mon voisin de classe, quoi? Mais, c'est peut-être un jeu de mots voulu. Je pense, Je suis absolument pas certain. C'est vrai? D'accord. Ah bah, c'est juste un prénom japonais, je pense. Juste pour expliquer, voilà, c'est qui, c'est un prénom, ça s'écrit S-E-K-I. Donc, c'est qui, on pourrait dire c'est qui, virgule, ouais. Mon voisin de classe. Et avec un accent sur le E, d'ailleurs, d'après la couverture. D'accord. Et voilà, et donc, c'est qui mon voisin de classe? Donc, c'est. C'est un manga en 7 tomes, je crois, actuellement, au Japon, et dont les deux premiers sont sortis chez nous début septembre et fin octobre, chez donc Akata. Et c'est un manga très étrange, puisque ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rumi, et qui a un voisin de classe, Seki, qui ne passe pas son temps à étudier en cours, mais qui passe son temps à faire d'autres trucs, plein d'autres trucs. À peu près tout, en fait. Il fait des constructions de sable, il joue au go, il fait... et c'est toujours des trucs totalement barrés. C'est un peu un Dukobu, en fait. Je vais t'avouer que j'ai jamais lu du Kobu. C'est la version japonaise. Ouais, c'est des formations professionnelles. Du Kobu-san. j'ai jamais lu, mais alors lui, c'est vraiment barré parce que même quand il joue au go, il joue pas au go normalement, il s'amuse à faire des dessins et des grandes batailles rangées entre les différents pions, enfin c'est pas des pions, mais je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais voilà, il a toujours énormément de choses à s'occuper, et elle en fait c'est une élève hyper stricte, hyper studieuse, et qui malgré elle finit toujours par s'intéresser à ce que fait son voisin de classe, alors que elle voudrait qu'il étudie, parce qu'il perd son temps, et du coup elle pense qu'il n'arrivera jamais à rien comme ça. Et du coup, elle finit toujours par s'intéresser à ce qu'il fait et à être pris dedans. Et finalement, ça finit toujours par lui retomber dessus. Donc le prof qui l'engueule ou des trucs comme ça. Et c'est super drôle parce que les situations... c'est l'inventivité des trucs que Seki peut faire juste sur son pupitre et avec ce qu'il a dans son sac. Oui, il a plein de trucs dans son sac. Hein. T'as l'impression c'est le sac de Mary Poppins. Et par contre, alors, sur ce côté-là, c'est super drôle et c'est super marrant à suivre. Et à chaque fois, tu te demandes ce qu'il va faire avec ces trucs. Mais par contre, sa voisine, la fille, donc qui est l'héroïne en fait du manga, parce que c'est elle qui est la narratrice. On suit ses pensées en fait, et en fait c'est l'archétype de la jeune fille japonaise hyper sérieuse et tout qu'ose rien dire, qu'ose jamais rien dire, qui est pas soumise, mais enfin voilà, c'est t'as rien le droit de laisser paraître et tout, hyper strict, hyper sérieux. Et Et donc en fait, c'est horrible, enfin, tu la suis de l'intérieur, et juste t'as envie de le foutre des baffes, et je trouve que ça gâche la lecture du titre, et parce que, question. ouais. Et du coup, il y a une histoire d'amour sous-jacente derrière ou pas du tout? Bah, à la fin du deuxième tome, toujours pas. D'accord. Mais Mais ce sera le but à ton avis ou pas du tout? sincèrement, je sais pas, lui, il a pas l'air du tout intéressé. D'accord. Parce que lui, ce qui compte, c'est ce qu'il fait sur son bureau et rien Et d'autre. en fait, c'est genre un huis clos. Tout se passe à chaque fois dans la salle de classe, c'est ça? Alors, Ou dans le tome je vois un 2, peu. on sort un peu de la salle de D'accord. classe. Parce que la façon dont On les tu le voit à la dépeins, ça piscine, par on dirait exemple. une sorte de huis clos, il y a juste tous les deux, mais je Ouais, suppose que c'est une classe quand même. Bah, en fait, la plupart du temps, c'est vraiment juste tous les deux. D'accord, c'est marrant. Bon. À la fin, enfin dans le tome 2, il y a un autre personnage qui intervient, qui va devenir récurrent, je pense. Et je pense que ça va aller à chaque tome, on va certainement découvrir de nouvelles personnes. Et c'est quoi, c'est Mais des ados, c'est ça? ouais, c'est des collégiens. Et du coup, ouais, voilà, c'est hyper fun à suivre ce que les conneries de Seki. Mais par contre, c'est super chiant du côté de la meuf La parce que question lutte voilà. passive d'Akata et leur combat à vouloir transmettre des choses sérieuses, enfin, il y a un fond derrière ou c'est vraiment de la Non, déconne là franchement non. genre sur la scolarité japonaise ou truc comme ça? Alors, je pense que ce que l'auteur veut, c'est vraiment dénoncer ce côté hyper sérieux Ouais. de la fille en fait. De trucs très serrés, très codifiés et Ouais, qui est tout. l'inverse du garçon qui lui. Et lui, il s'en fout et il fait. Et d'ailleurs, on le voit pas, tu sais, on le voit pas rater d'examen ou quoi que ce soit. On le voit pas se ramasser, Il profite quoi, il avoir profite de des sa mauvaises notes. jeunesse Et et il voilà, s'éclate juste, quoi. il s'éclate et il est hyper. Enfin, il a plein d'idées en fait. Et je pense que c'est ça que l'auteur veut mettre en avant. Et justement, le fait que les deux personnages soient vraiment aux antipodes, quoi. Je pense que c'est vraiment une volonté de l'auteur de mettre en avant le garçon. Mais malgré tout, on doit se taper les monologues de la fille. Et c'est un petit peu chiant quand même sur la longue. En plus, les chapitres sont assez courts, il y a pas mal de chapitres. Mais voilà, c'est ce qui me fait un peu peur pour la suite, c'est que ça soit un peu redondant parce que. Là, on a commencé à sortir un peu du cadre de la classe. On les a vus à la piscine, un peu en dehors ou dans d'autres classes. Mais globalement, ça reste très très figé. Le cadre, il reste très figé. Et du coup, j'ai un peu peur que sur la longueur, ça lasse un peu. Après, au niveau des codes, c'est typique japonais ou en étant, je veux dire, en étant occidentaux, tu peux lire tranquille. Enfin, il n'y a pas des références Ouais, dedans. non, non, non. Au niveau scolaire. Au niveau scolaire, il n'y a pas. Enfin, non, t'as vraiment rien. Après, ce qui est au niveau des références, c'est les références culturelles qui sont globalement expliquées. Par exemple, à un moment, il fait du shogi. D'accord, ouais, c'est Du coup, expliqué. voilà, il fait des tours avec ses pièces. Enfin, et c'est pas mal expliqué. Souvent en dehors des cases, en fait. Il y a des petites notes en dehors des cases. Et c'est surtout ouais, là-dessus où il y a des références culturelles. Après, au niveau tu sais, de l'environnement, la classe et tout, il y a rien de particulier, quoi. C'est pas, y a rien de typique japonais qui peut rebuter des jeunes gens. D'ailleurs, je pense que ça s'adresse beaucoup à des adolescents quand même. D'accord. Ok, donc okay, t'attends la suite quand même, du coup. Bah, j'attends la suite sans trop d'impatience, parce que vu toutes les séries que j'ai en cours actuellement, si ça peut prendre quelques temps entre chaque tome, ça me dérange pas. En tout cas, j'entends des bons échos Ouais, de cette série. mais globalement, c'est très sympa. Après, il faut voir sur la longueur. Je sais qu'il y a une série animée aussi, alors je sais plus si elle est diffusée sur. C'est qui? Ouais, Ah bah du coup ADN, ça. Crunchyroll, je crois que c'est Crunchyroll. C'est bien. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a une série animée qui est dispo. Et Je sais pas t'as du pas tout ce que regardé ça encore. donne. Non, non, D'accord. non. Ok. Ça marche. Donc c'est qui mon voisin de classe, tome 1 et 2. C'est dessiné par Takuma Morishige, édité chez Akata, donc pour un prix de 7,95 €. C'est heureux, quoi. Mais c'est psychologique, Non, mais tout, c'est tout, vrai, j'ai du tout est mal avec les psychologique. hétéros, quoi. Puisque tu as la parole, tu prends la parole, Yao, je vais te la laisser. Tu vas nous parler, toi, Ouais, donc d'un one shot que tu as lu, de ouais. Carnet de santé foireuse, édité chez toi, donc c'est pas, seras-tu Alors, chez toi. objectif? Alors, j'ai dit tout de suite, c'est en Je termes de découvre. temps, donc forcément, c'est plus simple d'avoir des bouquins à côté de soi pour chroniquer. Ah, et puis C'est c'est vrai. un incontournable de la rentrée, quand même. Donc, alors, Carnet de santé foireuse, qu'est-ce que c'est? Comme tu l'as dit, c'est un gros pavé autobiographique, du coup, de l'auteur qui est Pozla. Peut-être, je pense que Tuntun, tu dois connaître Pozla, Monkey Business, ouais. oui, qui a édité chez Ankama deux tomes de Monkey Business, scénarisé par El Diablo, le créateur de la série Madagascar, Ascar. ouais. Et dont, en fait, Rémi Pozla, il est dessinateur, illustrateur et aussi animateur dans les films d'anime. Donc, du coup, il a bossé sur L'île Ascar, Ernest et Célestine, notamment. Ah ouais. C'est Je crois qu'il va sa bosser cause. sur la série animée aussi. De. D'Ernest et Célestine. Il y a une série animée? Ouais. Ah. Et ouais, donc je disais, donc il bosse dans l'anime aussi. Ouais, en fait, il a fait des études au Gobelin. Et Voilà. à la base, c'est un graffeur aussi. Enfin, il a fait Ouais. plein de trucs en fait. Il a bossé sur le chat du rabbin. Donc, alors, de quoi ça parle concrètement? En gros, il a découvert. En étant adulte, il avait la maladie de Crohn. Et que les médecins, en fait, ils n'ont jamais détecté quand il était petit, il se plaignait d'avoir mal au ventre et des douleurs. Et en général, c'est toujours passé à travers, on lui a jamais détecté ça. Et au final, les années ont passé, puis il commençait à se poser des questions. Donc, du coup, en allant de médecin en médecin, ça n'a pas abouti, donc il a commencé à chercher sur internet quelles pouvaient être les causes, et au final il a quand même réussi à trouver un médecin qui a diagnostiqué que c'était la maladie de Crohn. Alors je sais pas si vous savez exactement ce que c'est. Oui, c'est un truc qui te bousille les Je intestins. savais pas trop, mais il y a une bonne définition dans le livre. Alors c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin de cause inconnue. Ça peut atteindre tout le tube digestif, de la bouche à l'anus, touche plus souvent le côlon, l'intestin grêle, débutant et insidieux, diarrhée, douleur abdominale, et j'en passe. Enfin voilà, quelque chose de pas très très gai. Et donc, et en fait, dans ce bouquin, on voit tout le cheminement du début de la maladie, de la rééducation, comment il s'en sort, comment il le vit. Et notamment, vu que c'est une BD, on voit tout ça en termes de graphisme, et comme disait Tuntun, vu qu'il vient du graphe, ça se sent dans son style, en fait, dans ses procédés. Et c'est vraiment un mélange de tout, donc il utilise du Posca, des crayons de couleur, de l'aquarelle, il dessine à l'encre de Chine. Et en fait, c'est des petits strips, teintés aussi d'illustrations sur des doubles pages qui sont vraiment. Le Waouh, quoi. format est assez spécial parce que Ouais, c'est un format carré. c'est un format carré vraiment très épais. Enfin, c'est un gros C'est un bouquin manga avec un comique, il papier fait 368 super pages, calque. exactement. Ah oui. Donc c'est vraiment un gros, gros, gros pavé. Et ça fait 19 centimètres. Voilà. Et donc, ouais, il utilise vraiment plein de styles différents. Principalement, c'est vraiment du noir et blanc. Et donc, il dessine à l'encre de Chine. Après, il se permet aussi, comme je disais, sur des doubles pages, de faire des illustrations. J'allais dire spirituel, très figurative en fait, avec du crayon de couleur, du Posca, des feutres, et c'est vraiment très très très joli. Et il a vraiment son style à lui, je trouve. Bah, ça ressemble à du Monkey, quoi. Après, enfin, on adhère. Mais en, en moins. Ouais, en moins. Enfin, vu que c'est quand même très. Ça fait très strip, en fait, un peu Black BD. Ouais. En fait, et c'est du ça. Du coup, en fait. Les décors sont. Il y a beaucoup moins de décors. Et ça fait moins chargé, je trouve, que Monkey Business. Ouais, bah, à la base, suite à son hospitalisation, elle a décidé de noter tout ça et de se raconter, quoi. Donc du coup, la plupart ça veut dire, il l'a réalisé quand il était à l'hôpital, en fait. Il explique après pourquoi, la raison, enfin, je vous laisse découvrir, il explique pourquoi il a réalisé ça. Et donc non, c'est vraiment très intéressant, et c'est pas... au début, j'avais peur que ce soit un peu triste et un peu... Il part un peu dans le pathos. Mais pas du tout, ouais, c'est vraiment optimiste, en fait. Si l'on rigole, on voit vraiment... le bon côté, donc non, c'est vraiment super intéressant. Et enfin, moi je suis fan, hein. Donc après, forcément, ouais, je suis pas forcément objectif, ouais. Mais je trouve que c'est bien traité. Et non, c'est super joli. C'est vraiment, moi j'ai lu, alors je vous le conseille, il y a une preview d'une centaine de pages sur le site de Delcourt. Ouais. Et moi j'ai lu les 100 premières pages du coup, comme ça. Et ouais, c'est vraiment. Déjà, graphiquement, c'est assez fou. Parce que notamment bah, quand il explique toutes les douleurs qu'il peut avoir, en fait le début est très noir et blanc. Et en fait il y a un passage où ça bascule un peu, où il explique ouais. toutes les douleurs qu'il peut avoir dans l'intérieur, dans le vide, dans le ventre quoi. Et tu vois, ça sort des illustrations de malades. T'as une explosion de couleurs et tout. Pour imaginer, enfin je dirais, imaginez, vous voyez un peu Akira, la séance où Tetsuo... son bras il se transforme en cellule organique, ça, ouais. Ça, il y a un peu de ça. Ah oui, décor. Hein. C'est voilà. Très, c'est vraiment puissant son trait et sa façon de représenter le truc. C'est viscéral, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, le mec il est super sympa, l'auteur est super accessible. Et c'est vraiment content. Mm-hmm. Tout ce qu'il a vécu et qu'il a. Enfin, c'est super enrichissant et bon, c'est vachement bien. Non, franchement, je la conseille après. Comme le dit Toon, c'est vrai que le prix c'est quand même un peu cher. Ouais, bah après, moi je trouve que 35 euros, je le trouve un peu cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est vraiment un bel objet. Mm-hmm. Vraiment bien gratté. Et donc, le bouquin est sorti le 9 septembre. Voilà. Ouais. Rappelez le nombre de pages. 368 pages. D'accord. C'est vraiment un gros. C'est une belle édition. Hein, c'est une belle cover, édition. Hardcover, le papier est de qualité. C'est étonnant qu'ils mettent autant de pages en pré-pub. Ça fait un tiers du bouquin, mais je pense que c'est nécessaire en fait. Ouais, parce que c'est pas forcément évident. En fait, il met un peu de temps à installer le truc, puisqu'il raconte. En fait, il raconte le début de sa maladie, en fait, quand il savait pas ce que c'était. D'accord. Et du coup, c'est un quart du bouquin, je pense. Et après, donc, on voit le début, enfin, à partir du moment où il découvre la maladie, où il met un nom sur ce que c'est. Et là, on commence à rentrer dans le processus et en fait, c'est super drôle. Enfin, c'est super drôle. C'est drôle dans la façon dont il raconte, parce que notamment avec sa femme, ses enfants et tout. Ouais, parce qu'en même temps, son enfant. Donc, il apprend qu'il a ça, sa femme est enceinte, donc il va. Tu sens que c'est super dur, enfin à vivre ça doit être vraiment dur. Mais la façon dont il raconte, tu sais, t'as toujours ce petit ton un peu dérision et comme qui marche super bien. En fait, le début de la BD, ça commence vraiment dans l'hôpital et ça te pose vraiment ce truc, en fait. Il commence direct dans sa chambre d'hôpital. Ouais, avec les oiseaux là au début. Et donc, le dessin, c'est vraiment, comme il dit, c'est viscéral, c'est visqueux par moments, il parle vraiment tout crûment, il y va à fond, quoi, et il esquive rien, et c'est d'autant plus poignant, quoi. Tu vois par où il est passé, non, franchement, ça m'a vraiment scotché. C'est à lire. Ouais, franchement, c'est vraiment un bel objet. Très bien, voilà. Donc ça s'appelle Carnet de Santé Foireuse. Je vais l'appeler pour qu'il me file des royalties. Alors, Carnet de Santé Foireuse aux éditions Delcourt, qui est sorti depuis le 9 septembre. Dessiné par Rémi Pozla. Voilà. Alors, Tuntun, tu vas reprendre la parole. Oh, ça faisait longtemps. Oui, bien sûr. Pendant que tu modifies encore ta fiche. Rien du tout. Je te vois. Donc, tu vas nous parler d'un manga édité chez Komiku. Donc, c'est le premier tome qui s'appelle Arte. Jeu de mots. Tout à fait. Non, Ouais, c'est. aucun cette fois-ci. Tu vas voir, c'est vraiment bien trouvé comme nom. Et ouais, donc c'est dessiné par Kei Okubo. C'est bien C'est ça? ça. Et donc tu vas nous en parler un peu plus sérieusement, un peu plus en longueur, de quoi ça Bon, parle et en longueur, pas trop, parce qu'il y a d'autres trucs derrière, oui, c'est vrai, tu as raison. mais oui, donc Arte, en Papillos. fait, ça se passe à Florence au début du 16e siècle, donc Renaissance, tout ça, les artistes, bah Florence, quoi, ville de l'art, et Léonard de Vinci, quoi. voilà, tout ça. Raphaël, tout ça. Ouais, les Tortues Ninja, Non. et... Alors, je te mets au défi de me citer les quatre tortues ninja. Raphaël, Ouais. Michelangelo, Donatello Donatello et et Leonardo. Bien joué, bien joué. Attends, C'est c'est plus pas non plus. difficile avec les sept nains, j'avoue, mais à chaque fois, j'en ai un qui bloque pour moi. Bref. Allez voir le Lequel, film, c'est une tuerie. Donatello. Nous changeons pas de sujet, messieurs, nous changeons. Et donc, au pays des Tortues Ninja, à Non, Florence, rien à voir, non, rien à voir. il y a une jeune fille qui se prénomme Arte. Et alors, c'est là où c'est bien trouvé. C'est que, du coup, c'est une fille de noble qui aime beaucoup dessiner la peinture, etc. Et elle voudrait. Alors, au début du manga, son père décède. Et en fait, c'était lui qui l'a poussée à dessiner, et sa mère veut absolument pas, elle veut que ça soit une bonne épouse, et que du coup, elle la marie très vite, Normal, etc. quoi. Voilà, bah, l'époque, quoi. Et du coup, elle dit, bah non, moi, je voudrais dessiner, et du coup, elle va voir tous les pas les cabinets, je sais plus comment on dit, les ateliers des différents peintres et artistes, de la ville, et elle se fait rejeter par tout le monde parce que c'est une femme. Et du coup, suite à un coup de sang, un énième rejet, elle a un coup de sang et elle se coupe les cheveux pour dire bah non, je suis plus une femme. Et à ce moment-là, il y a un jeune artiste qui passe et tout le monde dit bah tiens, toi t'as pas d'apprenti, prends-la, elle. Et là, bah, du coup, il apprend sous son aile et il lui apprend les rudiments du métier. Donc, on apprend un petit peu par quelques cases et quelques informations comment se passait l'apprentissage de la vie d'artiste à À Florence à l'époque, cette époque. ouais. Et donc les ateliers, comment ils sont organisés, comment on devient peintre, etc. Comment se passent les commandes. Et donc on suit tout ça en suivant Arte, qui du coup qui quitte sa maison et sa mère du coup, et va vivre chez l'artiste. Et forcément, bah, passer de la noblesse à une vie d'artiste, c'est-à-dire une vie pas bien riche et surtout sur le toit de l'atelier dans une cabane très rudimentaire, bah forcément ça laisse des traces et ça lui change totalement la vie. Et du coup, petit à petit, on va la voir évoluer dans sa façon d'être parce que elle en a marre qu'on la rejette du fait qu'elle soit une femme, surtout que c'est un métier qui la passionne, etc. Et du coup, on la voit changer petit à petit. Et voilà, c'est assez intéressant. C'est très basique shonen, mais avec ce petit côté Du de Seinen? cette. Bah, en fait, ça fait très surpassement, quoi. Voilà, on D'accord. croit pas en moi. Personne pense Dépassement que de j'ai les soi. qualités. Et c'est vraiment le dépassement de soi. Et du Donc c'est du coup. Neketsu, c'est pas du Neketsu. Bah ça fait un peu Neketsu quoi. Après il y a pas il y a enfin pour l'instant il n'y a pas le côté amitié forte, etc. D'ailleurs le côté love story il passe un petit peu avant pour l'instant. D'accord. Parce que voilà, avec, je vais pas spoiler, mais avec, elle a l'impression de commencer à tomber amoureuse de son maître, et voilà. Mais pour l'instant, on a vraiment deux personnages, donc elle et son maître. Il y en a, elle fait la rencontre d'un autre aussi, qui on pense que ça va devenir plus ou moins son rival ou son ami, enfin voilà, un peu Sacha et Red dans Pokémon, quoi, tu vois. Les mecs, ils sont potes et Oh là ils là, se c'est quoi foutent ces sur la références tronche. là? Le premier truc qui m'est venu à l'idée. Du coup, par rapport à ça, est-ce que moi, quand je vois la couverture, du peu que j'en ai vu, j'assimile ça, tu sais, au manga genre Therma Romae. Alors, au Therma niveau du dessin, ça n'a Romae? rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas Non, du tout le même délire. C'est très très shonen, si on peut appeler ça comme ça. Mais D'accord. y a un trait vraiment. Et le mangaka, c'est une fille ou un garçon? Kei Okubo, donc je dirais que c'est un garçon. Mais après, je suis pas hyper familier des prénoms japonais. Non, c'est juste pour savoir, du coup. Mais ouais, je dirais que c'est un mec. Après, Par rapport au thème. moi j'aime beaucoup ce. Bah déjà, j'aime beaucoup l'ambiance. Florence à cette époque-là. C'est vraiment. Le dessin est très joli. Il y a des très beaux décors. Après, bah, au niveau relationnel, c'est très cadré, japonais. Voilà, c'est les codes, quoi. On déborde pas trop des codes. Après, il y a ce côté féministe que j'aime beaucoup. Qui dit en gros que elle en a marre d'être qu'on la considère juste comme une femme. Et au début, elle part dans un trip où elle veut qu'on la considère comme un garçon et rien d'autre. Et en fait, elle va rencontrer une courtisane que va lui présenter son maître, pour qui il peint pas mal de tableaux. Bah, en fait, c'est sa mécène. Et du coup, cette courtisane, elle va lui montrer que c'est possible d'avoir un peu les deux, en fait, et d'être dans un univers d'hommes en étant féminin, enfin féminine. Et il y a le mélange des deux, en fait, qui se fait au fur et à mesure qu'elle côtoie cette femme. Et en plus, on voit l'évolution de l'artiste et ce côté un peu didactique enfin, didactique pour nous lecteurs, de savoir comment ça se passe dans ces ateliers d'artistes. Du coup, ça fait un bon mélange. Il n'y a pas énormément de surprises, mais ça marche bien, ça se lit très bien et c'est très joli. Alors, par contre, j'ai un gros gros bémol à faire sur la traduction, que je trouve vraiment ablérable, parce que franchement, c'est pas possible. Il y a des trucs, bah, en fait, voilà, on connaît le cadre. Et pourtant, on a des expressions qui n'ont absolument rien à faire là. Je pense à un moment, je sais plus comment elle dit. Si, alors, je retrouve la page. Quasiment à la suite, on retrouve une phrase Vous foutez pas de ma gueule. Et un peu plus loin, je suis plutôt habitué au coup de pied au cul. Et franchement, dans le cadre, ça le fait pas du tout, surtout pour une jeune fille. Qui est issu de la noblesse et qui Je a veux dire qu'il y a un que décalage entre ah ouais, il y a entre un énorme le. décalage, mais c'est y a pas que ça, on retrouve plein de trucs. Genre, à un moment, le maître, il lui dit, bah tiens, je vais te montrer ta piole. Enfin, c'est Enlève vraiment tes godasses. c'est un peu ça, et je trouve ça colle pas du tout, et sous prétexte de faire un peu moderne ou je sais pas, du coup, ça pète totalement l'ambiance du truc. Et en plus de ça, j'ai enfin, il y a un... Elle commence dans le premier chapitre, elle vous voit son maître. Et puis dans le deuxième, tu sais pas pourquoi, d'un coup, elle tutoie. Donc, il y a plein d'erreurs comme ça que je trouve malvenues, ou enfin, des choix de traduction qui me plaisent pas du tout et qui collent pas du tout au titre. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça gâche un peu la lecture, quoi. C'est vraiment un truc qui saute aux yeux quand tu le lis. Donc voilà. Mais en dehors de ça, un bon manga très sympathique et qui se lit parfaitement bien. Ça marche. Bon bah on attend la suite en tout cas de Arte tome 1 édité notamment chez Komiku pour un prix de 7,90€. Alors moi je prends le relais, je vais vous parler du sculpteur, donc le sculpteur dessiné par Scott McCloud, édité rue de Sèvres, notamment. Alors Scott McCloud il est notamment connu pour deux livres qui sont sortis en France. Delcourt. Comment ? Chez Delcourt. Oui, c'est ça en plus. l'art invisible, pardon, et réinventer la bande dessinée, donc avec une volonté de pédagogie autour de la bande dessinée. Des classiques. C'est ça, non, tout à fait. C'est... Mais non, je dis ça parce que je les ai jamais lus. J'ai tort, honte sur moi, mais c'est apparemment, c'est vraiment. Je les ai pas lus en référence. Pour être tout à fait moi, franc, je les ai pas lus. Tente de les lire aussi. Il faut que je les prenne parce que ça fait partie des références, en tout cas, à lire hein, dans ce domaine-là. Alors. Je vais vous lire vite fait le résumé, notamment qui était présent au niveau de la quatrième de couverture. En mal d'inspiration, David Smith, jeune sculpteur torturé, se voit proposer un pacte qui lui permettra de réaliser son rêve d'enfance, sculpter ce qu'il souhaite à main nue. Mais rien n'est éternel et tout a un prix. En échange de sa vie, il aura 200 jours pour créer son œuvre, et il va le payer encore plus cher au lancement du compte à rebours. Il rencontre le grand amour, de quoi ébranler toutes ses certitudes. Alors évidemment, on ne peut pas forcément résumer quasiment 500 pages de bande dessinée, ce qui est énorme, en deux paragraphes. Donc c'est avant tout, d'un point de vue matériel, c'est un très bel objet. Ouais. Qui vaut ces 25€, très clairement. Je veux dire, 25€, c'est un prix, mais il les vaut largement. Alors, ce qui est intéressant, donc en fait, David Smith, c'est vraiment l'archétype entre guillemets déjà de la personne de l'art qui n'a pas eu de chance, ou qui est, en tout cas qui n'a pas, qui ne s'est pas révélé au moment où il aurait pu l'être, hein, puisqu'on le découvre en fait un peu plus jeune, où il trouve un mécène qui l'héberge, qui lui donne tout ce qu'il lui faut, sauf que évidemment lui ne rentre pas dans ce même si au début ça a l'air de marcher, en fait, il n'aime pas qu'on lui dicte les choses qu'il doit faire, et forcément, il n'arrive pas à créer les œuvres que lui voudrait, donc quitte un peu cette personne qui le finançait, et donc se retrouve de fait en difficulté. Et après de maintes essais perdus, en tout cas non réussis, il se retrouve dos au mur. Avec notamment ce pacte que lui propose la mort, hein, à savoir, okay, je te laisse, tu peux sculpter en fait ce que tu veux à main nue, hein, comme ce qui est indiqué, mais dans 200 jours en fait tu meurs, je veux dire, tu n'as pas le choix. Donc lui il se retrouve, en fait il est tout seul, hein, parce que sa famille, sa sœur, ses parents sont déjà morts, alors que lui n'est pas trentenaire, donc c'est quand même un choc assez important. Et évidemment, même s'il peut, même s'il a la possibilité d'avoir accès à tout, d'être libre, en tout cas de ce qu'il peut travailler en termes de matériaux et au niveau de la forme, en fait, ne connaîtra pas le succès qu'il pense avoir tout de suite, en tout cas. Et il aura une vraie évolution au niveau de sa réflexion. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est assez pessimiste de base par rapport à ce qui lui est arrivé, évidemment. Alors, il va rencontrer des gens, il va rencontrer sa petite amie, notamment. Et mais toujours en ayant en tête ce compte à rebours inexorable qu'il aura jusqu'à la fin. Franchement, en le finissant, c'est une histoire qui peut paraître assez désespérante, en tout cas assez négative, de par sa fin, mais... il y a une vraie réflexion autour de l'œuvre, autour de de ce que nous on peut laisser en fait en termes de après notre mort, de ce qui restera des gens ce que l'on laissera, pardon, comme trace aux gens que l'on de notre entourage. Il y a en termes de dessin, c'est, alors moi j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un trait qui mélange du bleu, la couleur bleu pastel, et le noir au niveau du trait, ce qui permet de travailler notamment en termes de dynamique d'image, c'est-à-dire que par exemple vous allez avoir une case avec énormément de personnages, une foule, Et un personnage qui s'enfuit par rapport à un autre, et ben du coup le personnage qui s'enfuit, même s'il est tout petit, il va se retrouver crayonné en noir, hein, ce qui permettra de ressortir de l'image et d'avoir une réelle lisibilité et visibilité au niveau de la case et au niveau de l'image. Et donc c'est vraiment très agréable. Même c'est assez doux, c'est beaucoup plus doux de façon générale que si on avait que du noir. C'est plutôt bien fait, plutôt bien utilisé, plutôt bien réalisé même. Et une vraie qualité au niveau de la, comment dire, la structure des pages, la structure des cases également. Il y a tout est évidemment réfléchi, mais ça permet aussi de mettre en valeur ce que le créateur, ce que le sculpteur, notamment le héros Adam Smith, David Smith plutôt, excusez-moi, son travail, comment il le met en avant, etc., comment il le travaille, c'est vraiment une lecture que je conseille à tous, parce qu'il y a une vraie réflexion derrière, il y a aussi un vrai sujet, parce qu'il y a des gens, voilà, il y a dans l'entourage, dans son entourage même, tout ne se passe pas forcément bien, lui n'a pas forcément, il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui vont se quitter, voilà, il y a tout un cycle, une dynamique qui se met en place aussi. Avec lui, comme je disais au début, hein, toujours son but étant de laisser une trace, même s'il lui reste que 200 jours, que 200 jours à vivre. Donc, je vous conseille vraiment, ça amène en plus réellement une réflexion, la lecture amène une vraie réflexion, ce qui est vraiment très intéressant, parce que ça permet de se poser aussi beaucoup de questions, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre travail, par rapport à tout ça, et c'est une vraie belle pièce de bande dessinée à lire, hein. Donc plus de 500 pages, ce qui ne fait pas, en plus, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on garde quand même une vraie densité au niveau du récit. Il n'y a pas de coup de mou réellement, parce qu'on va le suivre, tout au long de son périple. Et c'est ce qui pourrait poser problème, c'est le fait de se dire que 500 pages, il peut y avoir des temps morts, sauf que ce n'est absolument pas le cas à ce niveau-là. D'accord. Donc voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, sur le sculpteur, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai pu avoir, et que je conseille vraiment à tous. En plus, à un prix qui est en comparaison de la qualité et de la. T'as dit de la... que c'est 500 pages, c'est ça? C'est quasiment 500 pages, ouais. Ouais, pour 25 euros, ouais, ça va. 25 euros, et c'est un gros format, si tu veux. C'est du quasiment du. Je sais pas, c'est pas du A4, mais enfin, ça s'en rapproche en tout cas. C'est vraiment très grand. D'accord. Donc je vous conseille. En plus, voilà, moi, en tout cas, c'est ma première. C'est ma. Alors déjà, c'est le premier comics que je pense que j'ai. Par que contre, j'ai... si je me permets, la couve, elle est pas différente entre la version US et. Absolument. Parce que du coup, moi, j'ai plus un coup de cœur pour la version US. Absolument. Pour la couverture, la couverture française est pas forcément une parce réussite. Que, hein. La version US, il y a une fille qui sort du mur, d'un mur en briques, c'est ça. Qui bah, la couleur est en plus, la couverture est beaucoup plus chaude en termes de couleur, alors que la couverture française. Alors déjà, la couverture française, en fait, ils se sont pas forcément embêtés. Pour rester poli, c'est qu'ils ont, en fait, ils ont pris une case, ils ont pris quasiment une page, ouais. Alors, je crois que c'est même deux cases, deux cases qui apparaissent dans la bande dessinée, donc, c'est un peu dommage. Si tu compares les deux, c'est pas le même trait, enfin, ça annonce pas le même truc, en fait, du coup. Oui, non, c'est vrai, il y a un côté beaucoup plus positif, en fait, ouais, beaucoup plus chaleureux, US, ouais. Sur la couverture US. Que sur la version française, ça c'est clair. Après, il faut passer ce cap, mais c'est vrai que je trouvais ça bizarre qu'ils aient pas. Non, mais t'as raison. Elle était forte, je trouve. T'as raison de le souligner, parce que c'est vrai qu'on attend, bizarre. On attend plus. Si tu prends les deux livres l'un côté de l'autre, on ne s'attend pas du tout à la même chose. En tout cas, il y a déjà une noirceur beaucoup plus importante qui apparaît sur la couverture française. Ouais. Ok. Donc voilà. Je vais passer la parole à Tuntun pour deux. Alors, on va d'abord commencer par l'édition Ultimate d'Ikikemi, le tome 1. Donc, c'est un manga qui était déjà sorti auparavant, déjà chez Kazemanga, qui est dessiné par Motoro Maze et qui est sorti au prix de 9,99€. C'est ça. En fait, je vais en parler très rapidement. Les deux séries dont tu parlais, donc Ikigami et Rainbow, parce que en fait ça fait l'objet d'une réédition chez Kaze, des rééditions Ultimate, Donc le Ikigami, il compile 2 tomes en un, et le Rainbow, il en compile 3. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une occasion, bonne ou pas bonne, je vais vous le dire, mais une édition intéressante en tout cas. Pour commencer, Ikigami, de Motoro Masae, qui raconte en fait au Japon, dans un Japon d'anticipation un petit peu. En fait, le gouvernement a décidé d'injecter un virus dans certaines, oui et non, enfin d'injecter quelque chose dans le sang de certains, enfin des enfants. Des enfants, oui. Voilà, et du coup, on sait qu'un certain nombre de personnes dans la population va mourir entre 18 et 24 ans. Et du coup, il y a des gens qui sont du gouvernement qui sont chargés d'aller prévenir 24 heures avant le décès de la personne, d'aller les prévenir et de leur en remettre un préavis de mort, d'où le sous-titre du manga qui s'appelle donc Ikigami Préavis de mort. On suit une de ces personnes du gouvernement qui est chargée de remettre un préavis de mort. Et donc le fameux Ikigami. Et donc ça va être sur ces 2 premiers tomes en fait compilés, on va découvrir justement cette pratique donc qui est là pour réguler la population dans le pays et maintenir une sorte de sécurité. Et en fait dans ce premier tome on va surtout voir le personnage principal remettre des préavis de mort et les conséquences que ça va avoir sur les personnes, les actes qu'ils vont faire pendant leurs dernières 24 heures, etc. Et donc on va voir que tout n'est pas si rose que, enfin rose, forcément c'est pas rose parce qu'on annonce à des personnes qu'elles vont mourir entre 18 et 24 ans, donc c'est pas terrible. Et qu'il y aura surtout que 24 heures à vivre. Mais voilà, et c'est surtout que on se rend compte que c'est pas si c'est fait pour maintenir une certaine prospérité dans le pays et que ça cache quand même beaucoup de choses et que voilà c'est pas anodin d'annoncer enfin de tuer des gens puisque c'est vraiment ça en fait qui se passe, c'est que des gens vont mourir. Et puisque le virus se déclenche à une heure précise, à une date précise. Et du coup, on voit un peu l'envers du décor. Et petit à petit, le personnage principal qui en vient à se poser des questions. Et voilà, on sait que la série a eu, puisqu'elle est terminée en 10 tomes, je crois. La série est terminée, elle a eu de nombreux prix. Et pour l'instant, ce premier tome me donne vraiment très envie. T'avais pas lu encore auparavant Kigami? Non, non, non, je l'avais pas lu. J'avais lu juste le premier chapitre en preview. Oui. Non, j'avais pas lu. Mais le pitch m'intéressait. Je le trouvais vraiment pas Alors, mal. moi ce que je trouve un peu dommage, alors moi Est-ce que tu l'as lu? j'ai Non? pas lu toute la série, mais j'ai lu une partie de la série. J'ai dû lire les 6 ou 7 premiers tomes. Ce que je trouve un peu dommage, en fait, c'est que on peut voir la série comme une succession d'histoires courtes de one shot. Oui, mais c'est vraiment, dans ce premier tome, en tout cas, c'est vraiment le personnage qui remet son préavis de mort et les conséquences que ça. Ce qui me pose problème, bah, ce qui me pose problème après, c'est peut-être dommage aussi à ce niveau-là que ça n'a pas été développé comme ça. Mais il n'y a pas vraiment, on va dire, un fil rouge derrière. Tu sens que, bah, à certains moments, voilà, il laisse des indices pour Ouais, dire, ouais, voilà, ouais. parce que le truc, c'est que dans le manga, on suit un personnage principal, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il fait lui en dehors de son travail. On ne sait pas Oui. ce qu'il pense de son travail. On ne sait pas ce Bah, qu'il il a fait fait très, en avant. fait, il est très transparent, en C'est fait. ça. Il n'y a pas d'empathie ou quoi que ce soit, parce qu'on sait rien de lui, et on sait pas C'est pas voulu où il va, quoi. pour faire genre que ce soit le lecteur Bah, je pense que c'est voulu, en tout cas, sur ce premier qu'ils tome, aient mis c'est une voulu. coquille vide Après, je sais du pas. personnage. Je pense que c'est fait exprès, en tout cas, sur ce Bah, premier tome. le fait Parce que qu'en t'as quand même plus, des... il a un design assez banal Ouais. Enfin voilà, il y a pas d'accent en particulier. C'est une sorte d'avatar. Ça pourrait être n'importe quel salaryman que tu peux trouver aujourd'hui au Japon. On voit quand même qu'il se pose quelques questions et que voilà, notamment quand il fait la visite du centre où ils expliquent comment est fait comment est inoculé le virus, etc. On voit qu'il se pose quelques questions et que c'est pas il n'est pas insensible à ce qu'il fait. Après, je pense qu'il sert surtout à mettre en avant les histoires personnelles de chaque personne à qui il va donner l'ikigami. Moi j'aime bien Thomas, j'aime bien. Il y a une vraie diversité dans les personnes, dans les personnages qui vont être touchés, par ça. Oui, bah, avec des conséquences très différentes à chaque fois. Tout à fait. Et du coup, vous avez pas vu le film, je suppose. Non. Mais je crois que c'était un film ou un drama, je sais plus. Je crois que c'était un film. C'est un film avec des acteurs, c'était en live, un film live. Il me semble que c'était un film live qui était sorti, en effet, autour de la série. Qui reprenait un peu le principe de la série. Après, j'avoue que je l'ai pas vu, donc je pourrais pas non plus en dire plus que ça, mais oui, il y avait un prolongement au-delà de la série en manga. D'accord. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Tonton, sur Ikigami? Non, sur Ikigami, non. Voilà, c'est une bonne série, et j'ai... Enfin, le premier tome, en tout cas, est vraiment temps, sympa. Donc en version Ultimate, il y en aura 7. 5, pardon, 5. Ah, c'est cool. Ouais. Et alors, du coup, c'est au prix de... C'est 10 euros. Donc, pour une compilation de deux tomes, c'est compliqué, quoi. En fait, oui, c'est ça. Ça fait un pavé assez important. Parce que forcément, t'as deux tomes dedans, donc il doit y avoir, entre 350 et 400 pages. C'est ça. Et du coup, voilà. Et l'autre série, donc en version Ultimate chez Kaze, c'est Rainbow. Rainbow, qui est scénarisé par Jean Jabé, et qui raconte. C'est inspiré, l'histoire s'est inspirée de sa vie. Et le dessin, c'est Masasumi Kakizaki. Qu'on connaît en France, qu'on a redécouvert plus tard grâce à Hideout en one shot et Green Blood qui sont sortis chez Kiun les et deux. Bestarius aussi. Et Bestarius qui vient de sortir, c'est ça, à la rentrée, les deux premiers tomes et qui a un trait assez dingue. J'aime beaucoup son style. Très agressif. Ouais, très très très nerveux, très sombre. Et souvent vraiment réaliste, en tout cas dans les décors et dans les... J'aime beaucoup sa façon de dessiner les vêtements, etc. Je trouve qu'il a vraiment un trait très impressionnant. Et du coup, donc Rainbow, ça raconte l'histoire de sept gamins qui se retrouvent... c'est dans le Japon des années 50, donc après la guerre, qu'un Japon très très pauvre... et dans lequel donc on a sept gamins qui se retrouvent pas en prison parce que c'est pas des prisons, c'est des maisons de redressement justement pour les enfants mais en fait ça fait vraiment une prison parce qu'ils sont enfermés, ils sont derrière les barreaux, etc. et il y a des cellules collectives. Non, mais je voulais dire des... j'ai perdu le nom, et tant pis. C'est pas... Des cellules d'isolement. Et en fait, ils se retrouvent avec un gardien qui persécute un des... Enfin, qui les persécute tous par la même occasion, mais spécifiquement un des personnages. Parce qu'en fait, il était seul dans la cellule avant que les six autres arrivent. Du coup, il lie une espèce d'amitié comme ça, forcément, rester 24 heures sur 24... dans la même cellule de 9 mètres carrés, ça aide. Et du coup, ils subissent des épreuves comme ça, ils se lient d'amitié, vraiment une amitié très très forte. Et du coup, il se passe plein de choses du fait que, petit à petit, en fait, au cours des trois tomes compilés ici, chaque personnage est découvert au cours d'un chapitre. son histoire personnelle et pourquoi il est là et pourquoi il pense de cette façon-là, il a ce caractère. Donc t'as vraiment une partie de présentation et où tu les vois très vite se lier d'amitié, une amitié très très forte, et pour lequel bah chacun va se sacrifier parce que forcément il y a avec ce gardien qui les persécute, il y a notamment ce personnage qui doit être libéré très très prochainement et qui est au courant de certaines choses et que le gardien veut faire taire, et du coup ils vont qui doit être, tu veux dire qu'il doit être délivré, libéré, c'est ça? C'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais, parce qu'il y a de la neige à un moment et voilà. Ah mais si je le fais pas merci maintenant, on la fait jamais quoi, c'est terrible ça. Et du coup voilà, chacun va se sacrifier pour les autres. Et c'est vraiment cette amitié qui est racontée à travers ce manga. Et c'est très intéressant, c'est parfois un peu, je veux pas dire facile, mais il y a un côté, tout va très très vite. Ouais. Dans la façon dont ils deviennent très potes et où ils sont prêts à risquer. Alors, au début, il y a quand même quelques. Il y a des tensions un petit peu voilà. Au début, surtout envers un personnage, enfin avec un personnage, mais ça se règle un peu plus loin, et surtout, enfin à la fin de ces 3 tomes, la série de base fait 22 tomes, je crois, et elle en fera 7 dans la version Ultimate. Et là, déjà dans le premier tome, on sait pas où ça va aller parce qu'il s'est déjà passé énormément de choses. Et là, ils sont vraiment très très soudés et on sait pas du coup ce qui va arriver. On espère que le personnage va pouvoir être libéré, mais on sait pas. On se dit que si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer après quoi? Parce que derrière, il reste 6 tomes, c'est énorme. Et du coup, ça crée une espèce de... On sait pas ce qui va se passer, et du coup, ça donne envie vraiment de savoir la suite. Et je trouve que dans l'approche du côté un peu prison, et amitié, enfin, ça forge l'amitié, etc., je trouve qu'il y a un côté un peu prisonniericou. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est plus prisonniericou qu'un côté rainbow. Mais voilà, c'est super intéressant à suivre. Ça se lit franchement très très bien, Le tome, là, je l'ai dévoré, et c'est un gros, gros pavé. Forcément, il y a 3 tomes de compilés dedans, donc voilà, c'est pas rien. Le problème que je trouve, en fait, moi, c'est un peu le côté répétitif que tu auras par la suite, hein, où t'as un peu, on va dire, la même structure, où forcément, alors tout va mal, et à chaque fois, ils arrivent à rebondir, mais à chaque fois, il y a encore un truc derrière. C'est un peu une bonne Murphy, en fait. Ouais. Où les oui, mecs oui, sont... y a un peu de ça, et enfin, voilà, et y a, c'est en cascade, quoi. Il leur arrive un truc, il leur arrive 10 trucs derrière, ça c'est clair. Après, justement, moi je découvre la série, donc pour l'instant ces trois premiers tomes m'ont oui. vraiment vraiment plu. En plus le dessin, la mise en scène, est vraiment c'est très très efficace. Et voilà, et je le recommande vraiment parce que en plus donc pour 15 € on a l'équivalent de 3 tomes. C'est alors pour justement en venir à l'édition, je trouve que c'est une bonne édition. J'aime pas trop les trucs compilés comme ça où ça fait des gros pavés, parce que c'est souvent un peu galère à lire, ça se barre un peu dans tous les sens, le bouquin tu le plies, il est pété tu le lis à la moitié, il est pété en deux, c'est toujours un peu galère. Mais là, c'est une édition qui se tient vraiment bien. C'est couverture souple, sans jaquette. Enfin, il y a des rabats, mais il n'y a pas de jaquette. Oui. Du coup, déjà, la jaquette, elle se barre pas dans tous les sens, quoi. Un peu comme ce qu'avait fait Kurokawa avec Fullmetal Alchemist en version double. Je peux pas te dire, parce que je les ai pas lus. Mais il y a... la couverture, elle a pas un effet trop cartonné, en fait, elle fait un peu plastifié et ça marche bien. Voilà, la reliure est bonne, parce qu'on ça se pète pas, enfin voilà, ça se tient très bien, le format est c'est un peu plus grand que de la 5, je pense. Et du coup, ça se lit vraiment bien. Le papier est globalement de bonne qualité. J'ai eu quelques bavures, c'est sur Rainbow, où j'ai le noir qui est un peu dégueulé. Mais sinon, bah, justement, les noirs, ils sont plutôt bons. Et sur Rainbow, où il y en a beaucoup, bah, ça marche bien. Et voilà, au niveau des onomatopées, c'est traduit sous l'onomatopée. Et ça le fait plutôt bien. Non, franchement, des très bonnes éditions, j'aime beaucoup. Et en plus, vu le prix, ça serait dommage de s'en priver. C'est clair, des éditions économiques comme ça, c'est quand même bien pratique et bien agréable pour découvrir une série. N'est-il pas? Tout à fait. Alors on va passer à Yao. Yao, est-ce que tu es de nouveau avec nous? Bah ouais, pourquoi il y a eu un souci? Non, non, on a cru te perdre deux fois, c'est pour ça Ah non, on je suis là. prend tes nouvelles. Hein. Je suis là. Tu veux Bon, nous bah, parler je vais du vous coup? parler d'une série encore chez les éditions Delcourt. C'est ouf ça, hein? Ça s'appelle Lazy Company. Le mec corporate, quoi. Non, j'ai pas. Bref, ça s'appelle. C'est l'adaptation Et de. en fait, c'est l'adaptation d'une web Ouais. série. Et en fait, moi, je suis pas du tout ce milieu, donc j'avais un a priori négatif en fait à la base. Et que les web séries, c'est pas trop ma came, ça me parle pas. Donc voilà. Et ouais, donc ça s'appelle Lazy Company. C'est le tome 1 qui est sorti le 14 octobre. En gros, ça raconte l'histoire de quatre soldats qui font partie des forces spéciales, des forces spéciales américaines de l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, ce sont quatre incompétents, abrutis et un peu lâches. Mais sans le savoir et sans le vouloir, ils vont changer le cours de l'histoire, en fait. Et donc, avec quatre, ils forment la Lazy Company. Lazy, ben, je pense pour le jeu de mots, c'est pour paresseux, si je dis pas de bêtises, C'est ça. en anglais. Et donc, voilà, et en fait, ils sont tellement mauvais et ben, incompétents qu'on les envoie, en fait, très loin du front. Voilà. Pour éviter qu'il foute tout en l'air en fait. Donc, du coup, ils vont se retrouver au Tibet, persuadés d'avoir été choisis pour une glorieuse mission, et en fait c'est tout l'inverse. Hein. Et donc ils vont se retrouver sur des nazis, enfin avec des nazis, et une histoire avec des nazis, Hitler forcément, des monstres, tout ce genre d'histoire en fait. Et je trouve que ça passe super bien en fait. Étonnamment, vu que je me disais, je me méfie toujours des adaptations de soit de films ou de séries en BD, je me dis toujours ah, ça va être un peu cheap ou voilà, mais là c'est vraiment je dirais du transmédia du coup, parce que ça a vraiment été chapeauté par le réalisateur de la série. Et oui, du coup, donc c'est scénarisé par donc Samuel Baudin et Ulysser le dessinateur. Donc ouais, je sais pas si vous connaissez, moi je connais que de nom Ulysser, je connaissais pas bien. Ouais, moi je connais parce que C'est c'était BD. tourné en Touraine, donc Ok, forcément, forcément. c'est la classe. Parce qu'il y a Alban Lenoir qui joue dedans aussi, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, je connais vite fait, et en fait, justement, j'étais intrigué par la BD, parce que je me méfie toujours énormément Ouais, des ouais. adaptations, surtout de web-séries ou Ouais, de trucs un peu à la, tu sais, Joueur du Grenier, ou... exactement, ouais. Ou je sais plus comment ça s'appelle là, le truc de MMO, je sais plus Ah quoi, mais. ouais, noob. Ouais. Et bon, au final, je trouve ça super bien gratté. Déjà, je suis surpris. En fait, tu le sais, je connaissais plus de noms et un peu je l'ai croisé dans des genre des conventions, mais je connaissais pas du tout son trait et je trouve ça ultra dynamique. En termes de couleurs, c'est super joli, c'est bien choisi et même au niveau du cadrage et du découpage, je trouve ça, on s'ennuie pas en fait. Ça fait vraiment, ça me fait très, je dirais très Indiana Jones, un peu Uncharted, tout ça, ça. Je veux dire, il y a du non-stop, ça s'arrête pas, c'est bien rythmé en fait, et les dialogues aussi, ils sont bien, et franchement, je trouve que c'est une bonne surprise, et j'attends franchement le 2, en fait. Parce que Ouais. je m'attendais pas à aimer, et du coup, ça me donne même presque, je veux dire, de découvrir bah, la série. Parce que Ouais, ça a l'air quand bah même, la série est ça a vraiment l'air pas de mal, qualité en fait, j'ai ouais. quand même vu des bandes annonces, et je me dis, si c'est une web série avec peu de moyens, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de. Qui a l'air assez quelque chose d'assez spectaculaire et fun. Ouais. Après, je sais Ouais, pas ce que ça vaut. c'est vraiment sympa, enfin Ah, c'est une web série, donc effectivement, faut pas s'attendre à des moyens Les de web fou. séries, je trouve ça toujours un peu péjoratif, à tort sûrement, mais tu sais, je suis pas super bon, Ouais, parce quoi. que en fait, ça dépend. Alors que ce serait Ça peut-être plus du dépend coup, ou, je sais pas, une de. série, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est comme, enfin, c'est un fourre-tout web série, enfin, je sais pas. Pourtant, Bah, ça passe ça, à la c'est télé clair, quand web même, je série. C'est. Ça Bah donne ouais, mais toujours ça a été. l'impression, C'est c'est toujours. arrivé sur Internet avant d'arriver à la télé, en fait. Ils ont. Ça passera Comment sur dire? France 4, les y, non? Un truc comme ça. Si, si, Si, si. d'accord. Mais si tu veux, la première saison, elle a été produite pour le web. Et après, elle a été repérée comme ça. Et du coup, France 4 a acheté la diffusion. D'accord. Et donc, ouais, pour revenir à la BD, donc en fait, il y a un prologue, un épilogue et quatre chapitres, donc quatre chapitres qui correspondent à peu près à chaque personnage. Donc voilà, donc ça c'est bien trouvé. Et voilà, non, on passe un bon moment en fait. C'est vraiment des aventures drôles, rythmées. Et puis voilà. Enfin, moi, c'est une bonne surprise, du coup. Comme Très quoi, bien. les a priori. C'est un format classique de Et bande donc, dessinée. ouais, donc c'est un peu plus petit qu'un. Enfin, c'est un peu plus petit qu'un A4. Donc voilà, c'est un album cartonné qui fait 128 pages et il coûte Ah oui, quand même, 16,95 €. 128 pages, et ouais, c'est un. Ça Et bah, change. tu sais, c'est un peu les formats. Pas bâtards, mais Ouais, c'est ça, c'est un petit les nouveaux peu. formats de la BD, en fait, qui sortent du classique franco-belge et Ouais. qui font un peu qui reprennent un peu du format comics en Ouais, un fait. peu comics, ouais. D'accord, ok. Et du coup, ouais, c'est prix de 16,95 € et c'est sorti le 14 Ah, octobre 2015. pff, magnifique date. Et donc, voilà. Voilà. Bah, je conseille aussi, il y en a qui sont férus d'aventure et drôle et bien rythmé. Enfin, je trouve que c'est un album sans prétention mais qui fait le job et qui marche très bien, en fait. Ouais, bah du coup, ouais, je jetterai un Pourquoi œil. pas, ouais, tu vois, tu as donné envie. Pourtant, j'ai dit, j'étais pas attiré non plus par la couve, elle me parle pas trop de base et Ouais, elle est ouais, donc je trouve pas. pas la couve super super attirante, mais au final, c'est fun. Enfin, c'est fun, ouais. Ok. Très bien, Antoine, tu vas nous parler de Trackmage 1, volume 1, pardon, alors scénarisé par Wilfried Lepeneau qui est un peu partout, dessiné par. Ah ouais, c'est le mec de la rentrée. Ouais, enfin, c'est le scénariste du français du moment, quoi. C'est ça, dessiné par Rollom, donc c'est édité par Delcourt des cinémas. Là là, mais arrêtez là. Et c'est fait par, enfin, la conception graphique est faite par Trait pour Trait, je crois. Ah. Bah, je voulais pas dire, mais les compagnies, j'ai bossé dessus aussi, donc Ah le comme carnet mec. de santé foireuse aussi. Donc, Voilà, il est partout. Il est partout. Le mec il parle que de ses bouquins en plus quoi. Un peu, Ça c'est mais bon, ouf. c'est pas fini. Ça c'est ouf quoi. Vas-y Antoine. Oui, Trackmage, donc scénarisé par Wilfried Lupano. Donc Wilfried Lupano, qu'on connaît pour beaucoup, beaucoup de choses, comme Un océan d'amour, Les vieux fourneaux, avec le tome 3 qui arrive bientôt d'ailleurs. Donc là, au mois de septembre, il y a eu, si je dis pas de bêtises, il y a eu trois séries. Différentes pour lui en quatre tomes. Donc il y a Trackmage le tome 1, il y a Communard où il y a deux tomes qui sont sortis, et il a fait un tome pour la collection 7, je sais pas si vous connaissez. 7, C'est chez qui cette? je crois c'est Delcourt, je veux pas dire de conneries. Bon, attends, et en fait il est très affilié à Delcourt aussi, Lupin, donc Ouais, ouais, voilà, ouais. donc il a fait beaucoup Mais de bouquins voilà, aussi. 7 en fait, en gros, qui part du principe que c'est une collection où chaque tome est dirigé par le chiffre 7. Et du coup, là, c'est 7 nains. Voilà, dont je vais pas parler là, puisque je l'ai pas lu. Et du coup, donc, Trackmage, qui est dessiné par Rollom, que je ne connaissais pas avant, et que j'aime beaucoup. Voilà, donc Trackmage, ça raconte une superbe histoire dans un monde médiéval fantasy qui raconte l'histoire d'un berger qui a des brebis dans des montagnes perdues dans un village. Voilà, et avec ses brebis, il fait un fromage qui s'appelle le Pécadou. Et malheureusement, il y a une guerre entre des mages et des orques, si je dis pas de bêtises. qui s'est déclenchée et du coup bah c'est la guerre se déroule en partie dans ces montagnes et régulièrement il a son troupeau qui se fait buter et du coup il en a marre, il décide de avec sa dernière brebis qui lui reste donc Myrtille de partir tuer les mages parce qu'il n'en peut vraiment plus. Et du coup, voilà, il part à l'aventure tout seul avec son sac de Pécadou, donc le fromage qui pue, qu'il garde dans sa besace. Et du coup, le mec part à l'aventure, mais sans rien savoir de la magie, sans juste, bah, juste avec son baluchon et son bâton et sa brebis. Et du coup, ils partent à l'aventure comme ça. Et ils vont faire plein de rencontres, notamment une fée alcoolique. Et ils vont se confronter à la magie et ça va être c'est très très drôle c'est très du coup bah ça se déroule dans un univers médiéval mais avec de la fantasy donc de la magie des trucs comme ça et Et un des peu. créatures bizarres D'ailleurs, il n'y a ouais pas un peu un look de merde avec sa coupe au bol? C'est pas un truc mais comme à ça? fond mais c'est ça qui est cool c'est que tu sens vraiment le pécor quoi tu sens que le mec il sait pas ce qui se passe le gars il a toujours vécu dans sa campagne enfin, c'est même pas dans sa campagne, c'est au fin fond de la montagne où il connaît 15 personnes et qui fait l'entièreté de son village et ses brebis et c'est tout ce qu'il a vu de sa vie. Et du coup, il part à l'aventure comme ça, mais sans rien savoir et en voulant buter des mages qui font la guerre à E4, ils font la guerre avec le reste du monde. Et du coup, voilà, c'est. Ce personnage est super drôle et en plus le trait drôle homme est très caricatural en fait. Il a des personnages. Bah, le mec il est avec sa veste en laine de mouton. Il a une espèce de coupe au bol et les chapeaux des bergers dans les Pyrénées là. Je sais plus comment ils s'appellent ces chapeaux-là. Mais voilà, il a une dégaine pas possible, et c'est pareil, la fée qui l'accompagne, elle est un peu grassouillette, elle est alcoolique, enfin voilà, elle ressemble pas à grand chose en fait. Et tous les personnages qu'il va rencontrer, c'est ça, comment dire, il y a un dragon, il y a un grand chevalier costaud et tout, voilà, il y a plein de personnages super drôles, et en plus, bah voilà, c'est. Le scénario est vraiment super parce que tu le vois partir, mais vraiment sans rien et sans rien connaître. Et tu vois que le mec il va à l'abattoir, quoi. Il va se faire charcuter au premier monstre qui passe. Et en fait, il arrive à s'en sortir. Et en plus, c'est super bien écrit. Les dialogues sont vraiment très drôles. Les personnages sont complètement barrés. Et ça fonctionne vraiment très très bien et du coup bah voilà encore une fois Lupano s'en sort merveilleusement bien dans un univers encore inédit parce que c'est ça aussi qui fait sa force c'est que il peut faire des trucs totalement oniriques comme Azimuth il peut être dans un truc très moderne comme les vieux fourneaux où ça parle du troisième âge mais dans notre époque et enfin voilà il sait tout faire. Et là, avec Trackmage, il prouve encore qu'il peut aller encore plus loin et c'est super bien foutu. Et du coup, bah, je le conseille très très fortement. Très bien, c'est cool. Et en plus, c'est chez Delcourt. Voilà. Ouais. Alors malheureusement, on va encore reparler d'une série Delcourt. Sur laquelle j'ai bossé. Donc j'ai. Putain, ils ont intérêt à nous envoyer des trucs après ça. C'est clair. C'est clair. Rin, tu nous parles. Alors, nous allons parler, pardon, de Rin, ce que moi et Yao nous l'avons lu. Donc, cette série qui est dessinée notamment par Harold, qui est dessinée tout simplement par Harold Sakuichi. En fait, j'ai découvert. Je sais pas. En fait, son prénom c'est Takahiro. Takahiro Sakuichi s'appelle. Je sais pas pourquoi il a pris le surnom de Harold. Alors, c'est peut-être lié alors, parce que je sais que c'est parce qu'il est. Alors, il est connu notamment pour le. Beck. Pour Beck. Et c'est possible qu'il a pris ce prénom-là parce que c'est peut-être en référence à la musique, parce qu'il est très fan de musique. D'accord. Notamment de rock. Et c'est possible. Alors, je veux pas non plus dire que c'est absolument ça, mais ça peut venir ouais, ça de a ça. Du, sens, ouais. Du fait qu'il a, qu'il s'est donné un prénom, en tout cas anglophone, ouais. peut-être américain, mais voilà. Voilà pour juste pour le nom du mangaka. Donc c'est édité chez Delcourt pour 7,99 €. Autant dire 8. Et en fait, on est un peu dans la mode en ce moment. Il y a eu beaucoup de séries au Japon et ça arrive aussi en France, hein, du succès de Bakuman. Alors évidemment, là, on est dans un autre contexte, dans un autre. On n'est pas du tout tourné vers la rédaction du Shonen Jump ou voilà, Non, de là, cette c'est vraiment partie-là. centré sur le mangaka. Sur un jeune, en fait, Sur un jeune, qui veut qui devenir souhaite mangaka. en faire son métier. Et donc lui par contre par rapport à Bakuman où ils avaient plutôt une progression linéaire, lui va quand même subir pas mal de faux pas, pas mal de problèmes en tout cas avant d'arriver à faire quelque chose d'intéressant et d'avoir de trouver une place intéressante surtout au niveau de Là, je dans un crois. magazine Ouais. Là, on est vraiment publication. dans la pure définition du Neketsu. Il va à fond. Exactement. S'il rate, c'est pas grave, il persévère et il recommence tout. Et c'est. Voilà, c'est vraiment la définition du Neketsu, quoi. C'est ça. Et en plus, le Neketsu qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, en plus, qui se voit réellement physiquement, parce qu'il y a Ouais. moi, quand j'ai découvert Rin, j'avais pas lu Beck auparavant, mais il Moi, semblerait c'est que pareil, ce en soit le fait, cas ouais. avant. Il fait un travail sur les Ouais. expressions faciales qui est juste assez dingue. Notamment quand ils sont joyeux, ils ont la bouche ouverte, tu vois vraiment l'expression, les dents qui Il y a une ressortent. vraie déformation du visage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre parce que c'est entre guillemets un trait un peu réaliste. Et du coup, façonné avec ça, ça fait carton réaliste. Par moment, t'as un peu mal à aller, je trouve, sur certains dessins. Ah, c'est ça, parce que tu te dis en fait que bah, ça passerait très bien sur des personnages dessinés en SD avec des looks un peu plus caricaturaux, mais là c'est assez dément, ça ferait limite en fait je sais pas si tu alors dans un autre style, je sais pas si tu avais lu Parasite hein, ou c'est un manga de science-fiction où Non, les mais je pers vois, j'ai déjà vu des planches, ouais, je vois. Voilà, en fait, t'as le personnage des fois qui avait le visage qui s'ouvrait complètement, et du coup, t'avais un peu cet effet-là t'as un Ouais. peu cet effet-là sur Rin. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, j'ai lu les deux premiers tomes. Ben, moi, connaissant pas Beck et l'auteur, je suis allé ben, principalement par rapport au sujet, hein. Donc ça m'a intéressé et ouais, j'ai bien aimé le premier tome. Enfin, j'ai bien été. Je trouve ça. Chaleureux et je trouve ça comment dire communicatif, je sais pas, ça donne la Ouais, pêche en fait. attrayant. Et voilà, ça donne vraiment la pêche. Bon après c'est comme je disais, c'est un peu comme on en parlait, c'est un peu le schéma classique du jeune héros timide adolescent un peu seul et qui n'a qu'un rêve, tu vois, il veut devenir mangaka à tout prix. Donc au début comme tu dis, c'est très laborieux mais il redouble d'efforts et de plus, il y a une fille qui est dans sa classe pour qui. Enfin, il craque pour une fille dans sa classe, donc voilà, donc forcément ça le motive et tout Il y a ça. aussi un côté, on n'en a pas encore parlé, il y a aussi un côté fantastique. Ouais, d'où le nom en fait. Enfin, le nom, faut savoir, donc le nom Rin, c'est le nom d'une fille Qui qui a 16 ans. apparaît sur Voilà. la couverture des deux premiers tomes Ouais. et par la suite. Hein, Et et donc, qui. son histoire, apparemment, elle a été repérée par une agence d'idol en fait. C'est ça. Et en fait, c'est une entre guillemets, elle est médium en fait. Voilà, elle est médium et. Elle peut parler avec les morts, elle Ouais, peut voilà. parler. Elle peut aussi anticiper, en tout cas Ouais, ce qui va se voir passer l'avenir. dans l'avenir. Ouais, voilà. Et pour l'instant, par rapport à ça, enfin, toi, t'as lu les deux premiers Oui. tomes. Moi, j'en suis au quatrième là. Et je trouve. J'ai du mal un peu à voir la relation qu'ils peuvent avoir entre Nolito et Lynn pour l'instant, vu que. Donc elle est assez énigmatique pour l'instant, ce personnage on la voit très peu en fait au final et enfin, elle apparaît quand même pour des moments importants qui sont liés à, bah, à l'avenir de certains personnages, mais j'ai un peu du mal à voir la relation qu'ils peuvent avoir en fait. Moi, est-ce qu'ils se croisent en fait? Ils se croisent souvent, mais ils sont jamais non plus de façon durable ensemble. Ouais. Et bah, ils discutent ensemble comme ça, mais il y a pas encore de lien. Il semble qu'il y a, bah, forcément, on va le connaître par la suite aussi. Mais j'imagine, en tout cas, elle le regarde lui aussi d'une façon différente, plus par rapport à ce que lui pourrait devenir, que par rapport à une éventuelle histoire d'amour. En tout cas, pour l'instant, on va Ouais, pour voir pour la l'instant, suite. oui. Bah, justement, j'ai un peu de mal à savoir, justement, est-ce qu'on va être attiré l'un pour l'autre, parce qu'il a quand même, il est plus attiré par bah, Asune, la fille dont je parlais, qui est dans sa classe. Oui. A priori, c'est elle, entre guillemets, la fille qui est idéalise et qu'il apprécie bien, donc je sais pas où ça va mener pour l'instant, mais... Bah, j'ai un peu peur que ça dérive plus vers le fantastique. Enfin, limite, il n'y aurait pas cette histoire. Moi, j'aimerais bien. Mais après, il faut voir comment ça évolue. Mais je trouve que ça. Enfin, pour l'instant, je trouve que ça ne s'insère pas super bien. Enfin, de mon point de vue. Moi, je me focalise vraiment sur le côté la réalisation du manga. Et, ouais. Le dessin est vraiment très intéressant. Moi, c'est vrai que c'est peut-être une des choses qui me fait. Le scénario est là, certes, mais c'est une des choses qui me fait. Qui va peut-être me faire continuer parce que j'étais sur ces deux premiers tomes. Il est vraiment balèze. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au fur et à mesure dans les tomes, il va rencontrer un autre jeune de son âge, mais lui qui est considéré comme une superstar du manga. Après, il va rencontrer d'autres personnes de différents âges aussi qui sont. Soit assistant ou soit aussi mangaka, donc c'est pas mal, ils forment une sorte de groupe à un moment, et tu vois, c'est un peu comme Bakuman aussi, tu sais, quand tu les vois travailler avec des apprentis et tout ça, ouais. Donc un peu même chez moi. Juste un truc, alors c'est pas forcément très gentil ce que je vais dire, c'est juste que les filles, en fait, toutes les filles ne sont pas forcément jolies, et elles me font penser un peu aux filles dessinées dans GTO, où il y a toujours des... Surtout quand elles font aussi des expressions, ça peut arriver à des filles de faire des expressions comme tu disais... Un peu théâtral, je trouve, avec des c'est caméras, ça ne met pas en valeur, mais en même temps, moi, j'aime bien, enfin, ouais, ça passe, non, mais ça passe. C'est vrai que quand je l'ai vu, ça me fait penser forcément, j'ai fait le lien, en fait, avec les visages, les visages féminins qu'il pouvait y avoir dans cette vidéo, qui n'étaient pas tous gracieux et jolis. Et non, bon, moi, j'attends de voir à la suite, je la lis bien, et moi, je trouve ça fun, en fait, et comme je disais, c'est... attrayant et ça donne la patate, en fait. Ça, c'est voilà, c'est après, ça. Moi je compare pas avec Bakuman, c'est vraiment pas. Non, alors je parlais de Bakuman vraiment pour le côté mangaka, si tu veux, manga, le côté où on suit un mangaka. Mais on est loin de tout ça, il n'y a pas, on va dire, le côté grosse production, grosse machine que pouvait être Bakuman, surtout. Ouais. Pour un problème, moi j'ai Bakuman, j'ai. Absolument que j'ai la suite, mais j'ai pas tout lu encore. Hein. Et oui, j'ai pas lu. Elle est terminée la série, non ? Ouais, en 20 tomes. Ouais, 20 tomes. Je vise absolument. Alors, t'as vraiment, alors pour, juste par rapport à ça, pour ce Bakuman, t'as vraiment, je te conseille déjà de réécouter les derniers bim. T'as vraiment un côté. Les derniers, pardon. Pas les, enfin, on en a parlé régulièrement, c'est un peu un des fils rouges qu'on avait auparavant. Et t'as vraiment des moments de folie, quoi. Qui ne sont pas. Il n'y en a pas tout le temps, mais il y a vraiment des moments de folie qui font qu'on peut rester accroché au manga. La conclusion, elle est bien. Ouais, non, sans plus. Si. J'avoue que ça m'a plus marqué. Mais oui, ça doit être bien. Merci, Romain. Donc, pour revenir à Aline, c'est en 7 tomes actuellement au Japon. Et ça continue. Le 4e tome, il va sortir, je crois, pour ce mois-ci. Chez Delcourt. Moi, je crois qu'il sort peut-être la semaine prochaine. D'accord. Je dis pas de bêtises. Et, voilà. En gros, ils font 224 pages. Donc, les albums, ils coûtent 8 €. C'est ça, tout à fait. On va maintenant passer la parole à Tuntun. Donc Tuntun, tu vas nous parler d'Infinite Loop, tome 1. Qui n'est pas chez Delcourt. Non. Mais c'est fini après, c'est fini. Si, il y en a encore un après. Ouais. donc c'est édité par Xena Comics, hein, qui a lancé il y a quelques mois de sa nouvelle collection dans les comics. Ouais, parce qu'ils ont changé de responsable éditorial pour la section comics et ils ont changé la ligne graphique, ils sont repartis, ils ont fait un reboot en fait. Et ça marche plutôt bien parce que je vous avais parlé de Sex Criminals. Ah ouais, d'accord, c'était chez Glénat. Ouais, c'est chez Glénat, il y a Lazarus aussi. ils ont sorti pas mal de choses, beaucoup issues de chez Image ou chez IDW. Et dont The Infinite Loop. Donc dessiné par Elsa Chartier et scénarisé par Pierrick Collinet. Juste pour resituer, The Infinite Loop, à la base, ça a été financé via Ulule. Ils demandaient 5 000 €, je crois, et ils ont eu 12 000, quelque chose comme ça, 12 ou 13 000. Et donc, toi, t'avais participé ou t'as découvert Non, moi j'ai découvert après, en fait. Ouais. J'ai découvert après et en fait ça a été financé avec succès et ça a été repéré par IDW, donc un éditeur américain qui depuis le mois d'avril le publie en mensuel et chez nous en France, donc Glénat Comics qui a repris les droits d'IDW il me semble et qui a sorti le tome 1 au mois d'août. Et le tome 2 qui vient tout juste de sortir là, mais que je n'ai pas encore lu, parce que voilà. Et donc le tome 1, oui? Non, je vais te dire justement qu'est-ce que ça donne sur le tome 1. Bah justement, le tome 1, donc en fait, c'est une histoire de voyage dans le temps avec une héroïne qui s'appelle Teddy et qui a pour mission de réparer les anomalies, puisqu'il y a une espèce d'agence du mal qui fait déplacer à des époques différentes des objets. Qui ne devrait pas être justement dans ces époques-là. Et du coup, elle est là pour réparer ces anomalies et renvoyer ces objets dans l'époque correspondante. Et va se trouver un jour où elle va rencontrer une anomalie qui est une anomalie humaine et qui ne comprend pas du coup ce qui se passe. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que elle veut pas renvoyer. Enfin, voilà, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va l'emmener avec elle dans un jardin, dans son jardin secret, on va dire une espèce de faille spatio-temporelle, puisqu'elle a dû croiser léger ou quelque chose comme ça. Et une faille spatio-temporelle, et du coup, elle va se planquer là-dedans et donc c'est sur une bonne partie une bonne moitié de l'album où on va la voir la relation entre les deux personnages va se développer donc l'anomalie et elle pendant que toute son époque se mobilise pour essayer de la retrouver parce que cette anomalie va créer une faille énorme et voilà, il va se passer tout plein de choses. Il y a des enjeux énormes autour de cette anomalie et elle veut pas la ramener et du coup il se crée des liens entre elles puisque c'est du coup deux femmes et démarre une relation donc où voilà justement ce tome met énormément l'accent sur la partie sur les relations homosexuelles. Voilà, ça paraît très fourre-tout quand je le raconte comme ça, j'imagine, mais en fait c'est très clair, c'est relativement simple dans le sens où c'est enfin il y a rien de particulier, c'est vraiment très séquencé, t'as un enchaînement d'actions comme ça, mais c'est très efficace. Le dessin est vraiment, moi je trouve joli. Je sais que Yao, toi t'as un petit peu de mal avec, mais Ouais, mais en fait, ça s'explique par rapport au passif, enfin, historique de la dessinatrice. En fait, Enfin, je me dis, je j'ai me dis ça. relu, C'est parce que j'ai. j'avais entendu, Chenelef a expliqué, enfin, si j'ai bien compris, qu'elle dessinait pas du tout avant. Enfin, si, avant The Infinite Loop, elle dessinait déjà. En fait, elle a commencé très récemment, c'est en 2012, Ouais, à voilà. faire de la BD. Mais très Bah, elle dessinait rapidement, avant, elle a en fait. fait. Va Bah, dessiner quand même elle avant. dessinait avant, je pense, mais à faire de la BD, c'est très récent. Et De en ce que j'avais fait. compris, moi, c'est qu'elle dessinait vraiment pas du tout, en fait, que c'était vraiment mis au dessin par Après, rapport à ça. ouais, je sais pas exactement, je sais juste que. Elle a commencé donc avec l'éditeur français, il me semble c'est français, Manga Comics, D'accord. qui fait du comics francophone quoi. Et donc elle a commencé par là et elle a bossé aussi pour IDW sur un chapitre spécial de je sais plus quelle série. Donc voilà, elle a quelques expériences assez courtes avant, mais et ça c'est son premier vrai tome relié, de ce que j'ai compris. Et moi j'aime beaucoup son dessin en fait c'est très c'est entièrement numérique enfin en tout cas ça fait numérique le trait est très simple et c'est un trait plein avec les couleurs sont très vives c'est beaucoup d'aplats de couleurs et j'aime beaucoup le ton ça fait en plus il y a ce côté un peu agent secret avec l'héroïne qui est très très jolie et ça fonctionne vraiment bien et c'est surtout qu'il y a alors c'est là-dessus où je suis très étonné en fait parce que du coup on l'a dit ça fait très peu de temps qu'elle fait de la BD et son découpage est incroyable il y a des trouvailles dans sa narration et dans son découpage dans la façon dont elle découpe ses planches et elle joue avec justement les cases et le côté voyage temporel, etc. Il y a vraiment des super trouvailles et c'est extrêmement plaisant à lire. Elle a ce côté un peu, elle pose des questions régulièrement et le côté uchronique, elle amène du choix entre et si je faisais comme ça, qu'est-ce que ça impliquerait? Et si je faisais comme ça, qu'est-ce que ça impliquerait sur un changement d'histoire, etc. Et notamment la fin est comme ça et c'est très très bien foutu. Et il y a un côté du coup graphiquement organigramme que un peu les infographies qu'on voit régulièrement maintenant sur Internet des organigrammes et tout qui sont un peu bien foutus quoi au niveau design et là elle les intègre très très bien dans ses planches et ça amène vraiment beaucoup de fraîcheur dans ce titre et voilà du coup c'est moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'inventivité, il y a beaucoup de fraîcheur, et du coup, j'ai hâte de lire le tome 2. Et en plus, alors c'est pas un tome autoconclusif. Ça pourrait l'être, vu la fin, en fait, d'ailleurs, en fait, ça te laisse un peu le choix. Je vais pas en dire plus parce que, voilà, ça serait spoilé. Mais en tout cas, ça fait vraiment une histoire complète sur un tome. Et c'est du coup très très malin la façon dont c'est fait. Du coup, je conseille vivement la lecture de The Infinite Loop. Et D'accord. voilà. Et au niveau édition, bah c'est du bon taf. J'aime beaucoup la charte graphique de Glénat Comics depuis depuis leur reboot. Il y a des bonus en fin de volume avec les auteurs qui expliquent comment ils storyboardent une page, comment ils créent une page. Il y a un texte, enfin un historique de l'homosexualité dans le comics qui est très intéressant. Et il y a des variantes de cover, dont une de Charlie Adlard, une de Tim Sale. Ah ouais. Ah Et oui, c'est vrai qu'ils avaient, j'avais lu toujours sur Nanlife, hein, abonnez-vous, hein. Ils racontaient que justement ils avaient rencontré Charlie Adlard et qu'ils avaient ils ont correspondu ensemble et il leur avait donné des conseils et tout. Ouais. Donc c'était Donc Charlie intéressant. Adlard, le dessinateur de Walking Dead, voilà. Et d'accord, je trouve ça assez ironique qu'il soit d'abord publié aux États-Unis et après que Ouais, Glénat. alors je pense que ça s'est fait parce que justement Elsa Chartier, il me semble qu'elle a travaillé avant avec IDW D'accord. Je crois qu'ils avaient démarché là-bas. un peu d'abord ici, qu'ils n'avaient pas trouvé, Ben, donc du coup. je pense qu'il y a de ça aussi, puisqu'ils sont passés par l'Ulule en France, et que du coup, c'est suite à la publication aux États-Unis que Glénat Comics a dû s'y intéresser. Je pense. Donc, enfin voilà, il y a un espèce d'imbroglio, et c'est vrai que ça paraît dommage D'en arriver là, quoi, tu vois, Voilà, de se pas dire, tant mieux pour bah, eux en c'est même fait temps, c'est par. cool, mais après Mais de tu sais, passer par j'ai là, l'exemple aussi de Guillaume Saint-Gelin, ouais, ah qui est en train ouais, de Good bosser Night sur. Theory, ouais. Voilà, et il me semble que Mathieu Bablé aussi. Non, c'est pas Mathieu Bablé. Il y a quelqu'un d'autre qui Ils bosse font un aussi. Kickstarter, c'est ça? Non, non, non. Et en Là-bas? fait, ils travaillent avec un éditeur américain. D'accord. Parce que j'avais vu, je crois qu'il faisait un Kickstarter, mais je sais pas si c'est lui ou d'autres potes à lui, sur un artbook. J'ai vu ça traîner sur Si, Twitter, sur oui. Saint-Jean. Il me semble que du coup, c'est justement via cet éditeur qu'ils font le Kickstarter. D'accord. Et c'est un collectif d'auteurs, Parce que je crois que je vais peut-être m'y dont mettre Guillaume à. Saint-Gelin. Je vais peut-être m'y mettre, je suis pas trop pour les. Pas trop en comme Ah, ça, tu mais lancerais ton Kickstarter? Saint-Gelin, bah ça. Non, non, Enfin, ton. Ah que non, je participerai, je veux dire. l'acheter? Saint-Gelin, j'adore ce qu'il fait, et Ah ouais, bah franchement, ça c'est moi tabasse, donc. je suis très très fan de ce qu'il fait et en fait justement c'est là où je suis assez frustré parce que son prochain album, enfin sa prochaine série du coup sera édité aux États-Unis et pour l'instant on sait même pas si ça sera édité en France. C'est étonnant, vu, encore en général, dans Kama, il. Enfin bref, après, Bah j'aime pas les après trucs, mais c'est ouais, je sais bizarre. que enfin j'ai l'impression qu'Ankama arrive à la fin d'un cycle et Ah je ouais, sais pas d'accord. vers bah vu la fin des séries Mutafukaze Freak Squill Ah, tout ça s'arrête. D'accord. ouais. Bah d'ailleurs, Mutafukaz, j'en parlerai dans la prochaine émission. Là, j'en ai pas parlé, mais le tome 5 est sorti au mois de septembre, c'est le dernier tome, donc la série est finie. Est-ce qu'on peut parler de film alors? J'ai bien Et il y a compris. le film qui va sortir bientôt, enfin bientôt en 2017. Ah, la Qui a l'air trop bien. bande Et annonce, c'est tabasse. voilà, il y a The Grocery qui se finit le mois prochain, je crois. J'ai toujours pas lu le zéro. Là. Ah bah Moi, faut que je le voilà. lise. J'ai acheté, Bah mais moi faut je que me je le lise. suis fait dédicacer, je suis très content. Enfoiré! Il doit être super cool Mais ce jeu, en par plus. Valentin Sèche, Ah, un d'accord. des auteurs du tome 0. Pas Aurélien Ducoudray Non. et j'ai perdu son nom, honte à moi. Non, qui est pas, il est Bah pas oui, sur c'est Lyon. Guillaume Sagelin, oui, pardon. Autant pour Ah, moi. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression qu'Ankama arrive un. Enfin, Label 619 arrive un peu en fin de cycle, d'accord, ok. avec beaucoup de séries qui se finissent. Et je sais pas trop où ils vont aller par la suite. Il y a déjà Monkey Business, le 3, qui est censé Ouais, il y a être. Monkey Business qui va sortir. Et du coup, voilà, The Infinite Loop. On a un peu dérivé, mais je le Ok. recommande vivement. Ça marche. Ça marche. Ouais, c'est cool. Bah du coup, Yao, puisque tu parles. Ouais, je vais parler d'un titre chez Delcourt. Non, je déconne. Je vais Non, changer un peu. alors tu vas nous Enfin. faire un combo, un Ouais, double un combo combo Akira Toriyama. pour moi du maître du manga. C'est mon maître à vie. Donc ouais, Toriyama Akira, le papa de Dragon Ball et Dr. Slump. T'as vu comment il se la pète? Il dit le nom dans l'autre sens. Non, je fais Analyze, c'est pour ça. C'est ça, c'est Et ça. donc ouais, donc ça va être un combo entre deux titres. Le premier c'est Jaco, le Galactic Patrolman de. Celui-là c'est dessiné et scénarisé par Toriyama. Et donc en gros, vous l'avez lu ou pas vous? Pas du tout. Du tout, non. Toi, tu l'as lu, Tom? Oui. Ah bah tu vas pouvoir en parler avec moi alors. Cool. Je sais pas trop. Alors, je vous fais le pitch qui est à l'arrière de la quatrième de couve. Donc, un beau jour, un vaisseau spatial s'écrase sur une île déserte. Très original. À son bord, Jaco, un membre de la patrouille galactique arrogant et sûr de lui. Sa mission, empêcher la Terre de se faire détruire par un terrible envahisseur. Bon, jusque-là, c'est très classique hein, dans l'univers Toriyama. Hein. Mais pour cela, il lui faut trouver un moyen de rentrer chez lui avec l'aide d'un scientifique qui vivait reclus sur l'île. Jaco se met en quête de Sky Gold. Il tombe alors sur Tights, une passionnée de science-fiction qui n'a pas froid aux yeux et qui va se joindre à eux. Jaco parviendra-t-il un jour à regagner la base de la patrouille galactique? Et voilà tout l'enjeu du bouquin. Blague à part, en fait, à la base, ça a été édité dans le Shonen Jump, si je dis pas de bêtises, en 2009. Non, c'est plus récent que ça. Jaco? Ouais. Ah non, attends, je C'est crois que c'est 2010. 2014 ou un truc comme ça. Pardon, C'est 2013, ouais, je l'autre, confonds avec c'est aussi, pardon, autant pour moi. C'est 2013, ouais. Katsura Akira. C'est 2013, autant pour moi, ouais. C'est 2013, et ouais, donc du coup, une sortie, une version reliée. Et donc, en gros, c'est le grand retour de Toriyama après, si je dis pas de bêtises, c'était bien Neko Majin, hein, sa dernière série, ou un autre Ouais, ça également. doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, comme si elle Ouais, c'était pas Nekomajin ou trop. Sandland? Non, Neko Majin, c'est le plus récent. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, en plus, j'avais pas, j'étais un peu sur ma fin avec Neko Majin, j'étais resté sur ma fin avec Neko Majin, je trouvais ça un peu pas terrible en fait. Ouais. Et donc, du coup, je dirais pas que je suis allé à reculons, vu que de toute façon, tout ce qui sort de Toriyama, j'achète de base. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté ça après. Je sais pas, est-ce qu'on peut en parler ou pas, il y a un twist à la fin, Oui, mais. bah y a, ça fait un lien avec Donc on peut en DB. parler, voilà, donc avec Dragon Ball, en De toute gros. façon, tout le monde le Ouais, sait. enfin, je sais pas, on sait Je, jamais, hein. on peut-être pas dire le lien Ouais, je dirais exactement, pas bien, mais mais bon, c'est un voilà, rapport à Dragon Ball, on va dire, il mais ok, relie bouton, Jaco à l'univers de Dragon Ball. Les sites de Scantrad sont déjà passés par là, messieurs, quand Bah alors, Voilà. Je Je ne connais sais toujours pas. pas la fin de Naruto, donc Moi aussi, je n'y pense voilà. qu'à Si Scantrad, monsieur. c'est spoilé comme un porc, la dernière image, non, ça c'est Ah, autre c'était chose. dégueulasse ce que t'avais fait. C'est pas fait exprès, Mec, enfin il bref. balance la dernière image sur Twitter. Attends, est-ce que c'était étonnant? Ben oui. Bref, Donc bref. voilà, donc pour revenir à ce bouquin, donc là du coup je suis un peu content parce que j'ai retrouvé ce qui caractérise un peu Toriyama, l'humour bien bas du front Potache, ouais. et son dessin assez dynamique et Je l'ai trouvé assez simple quand même au niveau dessin. Ouais, et du coup, je me posais... enfin, on en parlait avec un pote et je crois que enfin, dernièrement il se met à bosser en numérique, notamment sur Cintiq, donc ça se voit comparé. Je regardais à ses anciens, notamment à Dragon Ball, c'était un peu plus détaillé et tu vois vraiment qu'il bossait à l'encre, enfin à l'encre de Chine. Ouais. Là, les traits du coup ils sont plus grossiers. Et, ouais, c'est plus grossier, même les aplats. Enfin, il y a moins. Ouais, globalement, le tome, enfin, ça fait un peu flemmard, quoi. Mais c'est toujours mieux que Nekomajin. Après, tu sais, c'est difficile de dire ça. Enfin, je dis, c'est un peu bizarre de dire ça. C'est éditorialement, en fait, ça veut tout dire, ça veut rien dire, tu vois. C'est éditorialement maintenant. Ouais, en fait, mais il se fait pas chier. Tu vois, moi, j'ai l'impression, ça me fait penser un peu à Kajika, en fait. Ça se lit, c'est sympa. Mais ça, enfin voilà, c'est très classique. D'ailleurs, au niveau de l'histoire, je trouve que ça reprend un peu un peu le pitch d'un, je sais plus comment ça s'appelait, une histoire courte. Tu sais, dans les un des trois tomes des histoires courtes, où il y avait une jeune fille, une jeune extraterrestre qui débarquait dans un poste de police. Après, de toute façon, c'est Toriyama. Donc j'ai envie de dire, je vais pas lui en vouloir parce que je trouve que ça se lit. Enfin, pour un fan de Toriyama, tu vois, c'est. Enfin, je dirais. Ouais, c'est satisfaisant en fait. Ça se lit bien. Après, pour ce qui est de l'épilogue, je trouve ça. Ah, bon, ça fait plus excuse. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve ça bidon. Faut qu'on en vende, on va faire le lien, quoi. Ça, par contre, je suis pas fan. Je trouve ça vraiment un peu naze la façon dont tu fais ça, mais bon. Voilà, il y a des enjeux derrière, ça se trouve sûrement, mais bon, après moi je trouve ça agréable à lire, hein. C'est comme tu dis, c'est un peu paresseux, mais c'est plaisant, je trouve. Après, c'est sympa, ça vaut pas contre, très haut, mais juste par rapport au format et au prix, tu trouves pas que c'est un poil cher pour ce que c'est? 10 euros, un peu plus de 10 euros, hein, c'est ouais. Ça ouais. Il y a 10 euros. Après c'est un grand format, hein. c'est le format parfait, c'est les prix. Pour moi ça m'a pas plus choqué que ça, mais ouais, je sais pas, non, je trouve pas. Enfin, ça me choque pas vu que. Enfin, je suis habitué à ce prix-là pour ce genre de format, en fait. Ouais. Mais je sais pas, moi je le trouve pas. Enfin, je crois qu'il fait 10 chapitres ou un truc comme ça. Et. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai un peu du mal avec le fait. Je le trouve un peu cher, en fait, pour ce que c'est. Ouais. Tu vois, moi pour ce prix-là, voire peut-être même un peu plus, genre 12-13 euros. J'aurais aimé avoir un Jaco plus Katsura Akira. Ah, les deux, tu veux dire, ouais. Bah, je préfère pas. Enfin, on va reparler du. De oui, bah ouais, après, pas. Ouais. Je préfère mais du coup, t'imagines, t'as payé 22 euros pour les deux. C'est Toriyama, Toriyama. Bah, le deuxième, c'est pas Toriyama. Bah, au scénar. Le scénarisé. Oui, du coup. C'est scénarisé par lui. Il l'aurait pas dit. Mais. Et pour en venir à Jaco, donc du coup, ouais, donc forcément, donc. C'est Royal Dragon Ball, et là je trouve que c'est dommage aussi, on en parlait avec un pote. Comme tu dis, c'est un peu paresseux. Même au niveau du design des persos Dragon Ball, je trouve qu'il a vraiment perdu. C'est plus. Ouais. Limite, tu pourrais dire, ah, c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné, tu vois, pour être méchant. Je trouve qu'il a vraiment perdu un design qui. Est-ce qu'il n'en a pas marre de dessiner Dragon Ball, quoi? C'est ce que je me dis, mais. Est-ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, là, Jaco, ça fait clairement un type de commande, quoi. Ouais. C'était pour un anniversaire ou je sais plus quoi. Oui, c'était pour un anniversaire de magazine de prépu, je crois. Ouais, ça doit être ça, mais ouais, du coup, je trouve que ça fait pas. Enfin, je pense qu'il est toujours aussi balèze pour dessiner. Ah ouais, pas de soucis. Voilà, hein, je trouve que. Tu lui demandes de te dessiner un véhicule ultra chiadé, il te le fait, quoi. Je pense que c'est plus à l'envie et j'ai l'impression qu'il a pas spécialement envie de dessiner ça, en fait. Ouais, mais du coup, ça se ressent quand même, tu vois, le design est très. C'est bizarre, quoi. Enfin, vraiment, quand tu regardes les premiers, enfin, les Dragon Ball et les designs qu'il a fait là, tu te dis, ah ouais, c'est bizarre. C'est comme les. Enfin, tu prends Sandland, Putain, j'ai du mal. Pour moi, c'est ce qu'il a fait de plus abouti, techniquement, et ça date de 2000. Et voilà, et même Nekomajin au niveau dessin, il est franchement cool, quoi. Ah, il est cool, mais moi après le fond, je le trouve vraiment. Ah oui, non, mais après, c'est pas intéressant. Le bouquin en lui-même, il est pas intéressant. Mais voilà, au niveau dessin, je saurais pas dire si c'est l'érosion des années, parce que bah mine de rien il est plus tout jeune non plus, ouais. et que il se bousille peut-être les yeux à faire ses maquettes, mais je sais pas, franchement, très franchement, je préférerais qu'il fasse rien, enfin je préfère le voir ne rien faire. Qu'on reste sur le souvenir de Dragon Ball. Plutôt que de faire, ou même si, à la rigueur, si, même s'il a perdu un peu en dessin, qu'il me fasse un truc à la Koa, qui est ouais. plus simple à dessiner, je pense, mais qui est ultra cool. Je pense pas qu'il ait perdu en dessin, je pense plus comme, peut-être, si Romain, c'est, peut-être qu'il en a un cul de dessiner. Ouais, mais à ce moment-là, je préférerais qu'il dessine des trucs vraiment qui lui fassent plaisir. Mais on en parlait avec un pote, c'est comme les couvertures du Perfect. Tu sais, il y a des dessins, c'est limite, tu dis, ouais, quand même. Enfin, nous, on a trouvé ça pas terrible. Certains dessins, pareil, quand il reprend du Goku ou d'autres personnages de la saga. Ça fait un peu. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire, en fait. Il y a un côté moderne qui lui va pas, Ce qu'on disait, c'est peut-être, vu qu'il était passé direct au numérique, il a perdu. Ouais, c'est peut-être ça. Et donc voilà, pour Jaco. Enfin, donc moi, je conseillerais vraiment fan hardcore, je dirais. Bon, après, je sais pas comment dire, vu que moi, je sais que je les traite de base. Parce ceux que qui regardent DB Super, tu veux dire? Elle est pas arrivée en France, monsieur, non. Personne peut la regarder. Ah non, moi, je vais pas regarder. Je regarderai pas, même on va si parler ça de ça, France. Quand même. On peut pas déconner. Non. Et d'ailleurs, il y a un Dragon Ball SD qui est sorti. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas le lire, chez Glénat. Je sais pas si vous avez vu. Non, mais non. D'accord, ok. Non, mais pour moi, c'est. Tu sais, cette année, en fait, ils ont fait une année spéciale Akira Toriyama. Et du coup, pour fêter ça, ils ont sorti des animés comics. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu vois tout le respect qu'ils ont pour Akira Toriyama, quoi. Et donc, ouais, ça fait plaisir. Si vous êtes fan, si vous avez grandi, je sais pas, avec Dragon Ball et Dr. Slump, moi, je pourrais que le conseiller quand même. C'est toujours bien dans la bibliothèque. Après, c'est vrai que c'est un truc de fou, mais. C'est pas prise de tête, mais il est cool. Voilà, c'est sympa, quoi. Et si on enchaîne sur le deuxième, bon, là, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. C'est Katsura Akira, donc c'est la fusion entre Amasa Katsu et Katsura et Akira Toriyama. Katsura, c'est le dessinateur de. Video Girl Eye. Video Girl Eye, DNA. C'est DNA, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. DNA en jeu, Zetman. Et Wingman. Ouais, je sais plus. Zetman et Iz, ouais, c'est ça. Ouais. Et à titre perso, je suis pas fan. Du dessinateur et dans les bouquins que j'ai eu de lui, Wingman, vu que j'étais fan c'est horrible. Puis j'étais fan de la série, je me suis dit, allez, je vais quand même lire le manga. Mais ça super mal, non, mais ça super mal vieilli. C'est horrible. Il y a pas longtemps, il y a, je sais pas, peut-être 4 ans, un truc comme ça, ils ont fait une réédition volume double. Ouais, justement, j'étais comme je les ai tous achetés d'un coup. Ah, putain, j'en ai acheté un, j'ai même pas fini, quoi. J'ai acheté notamment parce que la couverture est claquée. Et après, c'est vrai que c'est très 80, et là, c'est super chaud, ouais, quand même. Ouais. Même au niveau de histoire, dialogue, tout ça, c'est vraiment très... C'est pas lui qui a fait Zetman ? Oui, justement, et j'allais revenir à Zetman, pareil, je me suis mis, au début, j'ai bien aimé, et après... Parce que graphiquement, c'est quand même autre chose. Je trouve qu'il est parti dans un délire, ouais. Moi, j'ai pas du tout accroché à Zetman. Mais... Et donc, du coup, ce Katsura Akira... Et donc, en fait, donc, du coup, c'est... Il y a deux histoires dedans, donc par rapport à ce que je disais, il y en a une qui a été publiée en 2008, c'est Sachier, rigolez pas, hein, Changu, donc c'est Trop Forte Sachier, et l'autre qui a été publiée en 2009, c'est Jia, et tout ça, c'est scénarisé par Akira Toriyama, il n'aurait pas dû. C'est un peu comme DB Super, je crois, il a scénarisé des trucs. En fait, dans Sachet, c'est une jeune collégienne qui part sur une lointaine planète prêtée main forte à des extraterrestres terrorisés par une bande de malfrats. Et elle va être aidée. Elle va être aidée par un autre personnage. Enfin, je me souviens plus trop d'histoire du coup, ça fait longtemps que j'ai lu. Et ça m'a pas marqué non plus. Mais en fait, cette fille, en fait, c'est la descendante d'une grande lignée de ninjas. Donc voilà, forcément. Et l'autre histoire, ça parle plus. C'est le thème du. Enfin, je dirais Sentai, super-héros. C'est un vampire qui sème la terreur sur Terre et qui décime des populations entières avec des puces géantes. Seulement, on n'est pas trop hyper galactique, encore une fois. Jia enquête en même temps sur l'étrange disparition de son collègue et va devoir prendre le contrôle d'un humain pour passer incognito. Je sais pas si tu l'as lu, toi, Toon ou quoi. Je crois que j'avais lu le premier chapitre de chaque, un truc comme ça. Et en fait, ouais, bon, enfin. Moi, je me souviens que le Sachi machin, hein, Donc la première histoire, le design de la meuf est horrible. Non, en fait, ça fait très, j'allais dire très, comment ça s'appelle Ça fait très très anguleux, en Gerby. fait, très anguleux, Ouais. très. Comment ça s'appelle la série de Gainax Panty and Stocky, je crois. Je sais plus le nom exactement. Ah oui, le truc un peu Nickelodeon, façon sauce Ouais, voilà. japonaise. Voilà, ça fait un peu ça comme design. Du coup, c'est seulement qu'il essaie de faire ce design, l'auteur. Et bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, je trouve que c'est vraiment des histoires classiques et sans intérêt. Est-ce qu'on retrouve vraiment là, je veux dire, la patte Toriyama au scénario, ou alors ça peut être n'importe qui derrière, c'était pareil? J'ai une patte Toriyama au scénario. Alors, je sais pas, non, mais je veux dire, parce que moi, pour moi, je me dis en termes d'humour, en termes En de. fait, je crois que J.A. de mémoire, c'est quand même un peu plus, entre guillemets, adulte dans les thèmes. Ça, un peu moins pipi caca, mais bon. Comment dire? Je crois qu'il y a vraiment une allusion au sexe aussi dedans. Si je dis pas de bêtises dans cette histoire, à un moment, qui est pas forcément, qu'on retrouve pas dans les œuvres connues de Toriyama. Donc, du coup, je trouve que ça change un peu, mais je trouve ça c'est super plat en fait, la façon dont c'est traité. Et... Après, le dessin il est propre, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Et enfin, je me suis dit tout ça pour ça en fait. Enfin, je trouve pas la collaboration super forte en fait des deux en tant que fan. Enfin, ça m'a pas marqué, et je trouve ça super anecdotique en fait. Et le seul truc intéressant, je dirais, mon point de vue, c'est qu'à la fin, il y a des carnets de barres en fait. Les deux histoires étaient une rencontre croisée entre les deux auteurs, et ça, c'est pas mal en fait. C'est une interview qui se déroule sur une dizaine de pages. Ils répondent sans langue de bois sur la rivalité d'antan, enfin, en Dragon Ball Marché et tout ça, et je trouve ça très intéressant en fait. Bon, après, ça fait cher l'interview, mais je trouve que c'est plus intéressant que mon gars. Enfin, voilà. Mais non, ça m'a pas plus marqué que ça en fait. Je préfère vraiment Jaco que ce bouquin en fait. Oh, c'est ça. Mais bon, je l'ai pris parce que voilà, Toriyama, mais voilà. Ça méritait pas plus que ça, quoi. Enfin, de mon point de vue, après, c'est trop, il y en a qui vont adorer et qui vont me dire j'ai dit de la merde, hein, mais c'est juste mon point de vue. Très bien. Donc, on va passer à la suite. Et On pareil, a. ouais, juste pour. Je crois qu'il est au même prix aussi que Ouais, Jaco. tout à C'est fait, même format. 10,75. Même prix, ils sont sortis pendant Japan Expo, en fait. Donc, ouais. J'ai acheté là-bas, d'ailleurs. Rayon contrefaçon, du tout. Rigole, j'ai acheté au stand Glénat direct. D'accord. Première chose que j'ai fait. Bien joué, mauvaise. On va passer. Déception. Hein? La déception. Du coup, tu l'achèteras pas, Tuntun, alors. Non, non. Non, non. On va passer à la suite avec donc Toon Toon qui a choisi de lire Shizakobe. Donc c'est dessiné par Minetaro Mochizuki qui s'était notamment occupé de Dragon Head et plus récemment de My Way, c'est ça, hein, Ouais, qui était sorti chez et Pika Édition. Donc ça, c'est My Way, édité. les deux, oui, chez Pika Graphics. Oui, les deux exact en plus. Et puis la femme de la chambre close, Oui, ou la voilà, dame de qu'est-ce la que chambre c'était? close, je sais plus. La dame de la chambre close, tout à fait. Ouais, un one shot horrifique, qui Assez était vraiment cool aussi. malsain. Assez malsain. Donc c'est édité cette fois, c'est le Lézard Noir pour 15 €. Alors qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que t'as bien aimé? J'ai adoré. Ouais. J'adore Mochizuki et j'ai adoré Shizakobe. Vous en parler, c'est compliqué. Pour résumer, en gros, donc c'est un jeune homme qui se nomme Shigeji et qui donc c'est un gros barbu, enfin un barbu cheveux longs avec des Ray-Ban fumés et tout, qui fait très très décalé. Et en fait, on découvre, enfin on démarre le tome avec l'annonce du décès de ses parents dans un incendie, et ses parents qui tiennent une entreprise de construction de bâtiments, et dans laquelle il travaille, et donc il va devoir reprendre. Et à partir de là, donc on va découvrir donc ce Shigeji qui est très jeune et qui est considéré comme quelqu'un de très à part, qui est très intelligent, mais qui est en même temps totalement renfermé sur lui-même, et on sait pas du tout ce qu'il pense. Et donc il va rentrer chez lui. Le but à partir de là, ça va être de maintenir l'entreprise familiale à flot, parce que bah du coup c'est compliqué, parce que il a enfin il faut la faire tourner, et lui c'est la première fois qu'il fait ça. Et du coup, il y a pas mal de gens qui lui proposent de lui venir en aide. Il refuse systématiquement toute aide extérieure et il dit non, on va gérer ça nous-mêmes entre nous. Et voilà. Et en fait, du coup, pour s'occuper des apprentis qu'il a et s'occuper de la maison, il y a une jeune fille qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Qu'il a pas vu depuis très longtemps, qui vient venir s'occuper de la maison, et qui, elle, vient juste de perdre sa mère, et donc, du coup, qui est orpheline, elle aussi, et qui ramène, parce qu'elle travaillait elle faisait du bénévolat dans un orphelinat, et l'orphelinat qui a brûlé dans le même incendie que l'entreprise. Du coup, elle ramène dans la maison, 5 enfants, 5 orphelins. Et pour lesquels elle se bat pour pas qu'ils soient renvoyés dans des familles d'accueil. Et à partir de là, en fait, il y a vraiment ces deux personnages qui se dessinent, qui sont assez. Alors, lui est très renfermé, elle est plus expressive, mais moins dans la parole, plus dans les gestes, et elle a des mimiques et des façons d'exprimer ses sentiments. Qui sont un peu détournés. Et du coup, une grande partie de l'histoire, enfin de ce livre, l'intérêt de ce livre, c'est que ça tourne autour de l'expression des sentiments. C'est fait un peu sous forme de tranche de vie, c'est-à-dire qu'on suit l'évolution, donc depuis le décès, l'évolution de l'entreprise, dans un laps de temps assez court pour l'instant. Et en fait, on découvre ces deux personnages et les orphelins et quelques personnages qui les entourent, et la difficulté d'exprimer ses sentiments, cette sensation d'être incompris. Et voilà, et Mochizuki est vraiment très très fort là-dessus, parce qu'il arrive à retranscrire simplement, parce que son trait est vraiment très simple, il est très fin et assez agréable. Je trouve que d'ailleurs qu'il s'est amélioré par rapport à MyWai, et le fait que ça soit pas action, comme pouvait l'être justement MyWai et Dragon Head, c'est beaucoup plus calme, posé, beaucoup plus oui, calme en fait. C'est vraiment on suit l'histoire tranquillement, ça se déroule lentement, et c'est la façon dont il retranscrit ça avec son dessin très fin. Son découpage, alors il met l'accent par des petites cases sur des éléments bien précis, et il a un découpage très télévisuel, très cinématographique, et qui met justement en avant cette difficulté de s'exprimer. Donc principalement, pour moi, c'est ça l'idée principale de ce bouquin, et c'est vraiment très bien fait, en plus avec les orphelins avec lesquels le protagoniste, il a beaucoup de mal au début, parce que c'est des enfants qui ont été rejetés, qui ont beaucoup de difficultés, et du coup qui sont parfois violents ou grossiers, ou qui ont du mal à s'intégrer en dehors de ce groupe-là, donc des cinq, enfin des orphelins qui forment une vraie famille. Et du coup, petit à petit, ils s'intègrent, ils se comprennent un peu avec le personnage principal, alors qu'ils parlent pas, il y a une certaine distance, mais petit à petit, en fait, ça coule tout doucement, et on suit cette histoire-là. C'est vraiment super intéressant. C'est compliqué d'en parler parce qu'en fait, tout est implicite. C'est énormément de non-dits. Et voilà, c'est super intéressant. Et en plus, il y a ce côté un peu, le paradoxe de la société japonaise actuellement. Qui est très ancré dans les traditions, et en même temps très moderne. Et on retrouve ce paradoxe un peu dans ce bouquin. Et voilà, c'était vraiment très très plaisant comme lecture. Je pense que c'est pas forcément accessible à tout le monde parce que déjà c'est très lent, il se passe pas grand chose au final, c'est la tranche de vie, voilà, typiquement japonais. Et en plus, c'est très implicite, y a pas énormément, ça parle pas énormément. Mais c'est passionnant à lire et l'auteur fait un véritable tour de force avec ça parce que ça te passionne en racontant pas énormément de choses et en le faisant bien et du coup voilà j'ai beaucoup beaucoup beaucoup aimé et c'est encore une fois hein, il nous prouve Minetaro Mochizuki, ça nous prouve que c'est un super auteur et voilà, donc faut lire Shizakobe, faut lire My Way, faut lire Dragon Head et faut lire tout ce qu'il a fait parce que c'est vraiment un putain d'auteur. D'accord. Bon, bah, très bien. En tout cas, on a terminé avec les débuts de série, les nouvelles séries, en tout cas, sur le BIM, sur ce 11e BIM. On va passer maintenant aux séries en cours, notamment avec Le Château des Étoiles, dont tu as lu la prépublication, les chapitres 4, 5 et 6, Tuntun. Donc, prépublication qui prend la forme d'un journal. Oui, tout à fait, une gazette même, Et qui... qui est donc sous format papier, grand format, replié en son milieu, et qui est ouais. ressorti. Et non, je vais juste finir en disant que du coup, ça c'est une des Ouais, en innovations de fait. cette bande dessinée, c'est que c'est édité en prépublication et puis après, c'est édité en volume C'est relié. ça, en fait, au mois de, il y a trois numéros, donc trois chapitres, publiés en mai, juin et juillet. Et qui sont publiés en relié au mois de septembre. Donc il y avait eu le premier volume en 2014, pardon, en 2014, et le deuxième donc cette année en 2015. Donc il fait les chapitres 4, 5 et 6. Donc chapitres qu'on peut retrouver encore, je pense, en prépublication sur donc au format Gazette. À 2,95 € par numéro, et je pense qu'on peut retrouver très facilement en librairie. Voilà, librairie spécialisée, ça doit pouvoir se trouver sans trop de problèmes. Du coup, c'est dessiné et scénarisé par Alex Alice, toujours. Donc, c'est formidablement beau, encore une fois, parce que on a ce côté Jules Vernien avec beaucoup de place au bleu et à l'espace en plus. Je vais être obligé de révéler un peu, pas la fin du, mais voilà, où on commence dans ce tome 2. C'est-à-dire qu'on commence dans l'espace. Et du coup, voilà, et c'est, énormément, c'est l'espace qui est dessiné. Donc c'est très très joli, l'intrigue, alors c'est l'aventure à fond, quoi, c'est, une grande aventure, c'est super intéressant à lire. C'est relativement simple, mais ça se fait très bien, c'est très très efficace. On est emporté dans le truc, il y a ce côté Jules Verne qui est très présent et qui est magnifique, quoi. Moi j'adore le format gazette, si enfin vraiment je vous conseille de le lire dans ce format-là, parce que du coup vraiment l'impression d'avoir un journal. C'est un très grand format en plus, enfin c'est un très grand format, c'est un grand format, je saurais pas donner la dimension, mais c'est plus grand que de la 4. Du coup, on a des doubles pages qui sont absolument sublimes dedans, avec une super mise en couleur. Le dessin d'Alex Alice est parfait. En plus, à la fin, on a Alex Nikolavitch, si je dis pas de bêtises, qui écrit un article façon gazette en fait pour faire donner des compléments à l'histoire et voilà et c'est super intéressant vraiment je vous recommande de lire alors, en fait je recommande beaucoup de trucs mais vraiment je kiffe le Château des Étoiles et voilà en plus si vous avez aimé le premier il n'y a pas de raison faut se jeter tout de suite sur la suite parce que c'est vraiment très très bon. Ok. Parfait. Parfait. Alors, on va peut-être passer, pas te laisser la parole tout le temps, c'est pas pour que tu respires un petit peu. On va passer à Space Brothers 12 en attendant. Ah, mais je Tuntun, crois si que je l'ai tu lu. veux bien. Tu l'as lu? Bah oui. Mais tu n'es pas le seul, parce que moi aussi j'ai lu, c'est surtout ça. Ah, bah raconte-nous. Ah, ça fait plaisir hein, de le faire dans l'autre sens. Alors, le temps que je retrouve la bonne page, évidemment, sur mon document, de façon à vous dire quelque chose d'intéressant. Le Donc, déjà, mec je vais pas vous prêt. donner le résumé. Donc, dans le 12e tome, en fait, puisque c'est Space Brothers tome 12, la mission dans l'espace arrive à son terme pour Ibito. Pendant ce temps, sur Terre, Muta et son équipe participent à la Comeback Compétition, où le but est de créer son propre rover. Donc, rover, c'est le véhicule, le petit véhicule qui se déplace sur les planètes, notamment qu'on a pu voir auparavant sur Mars, et faire en sorte que ce rover arrive le plus loin possible. Tout ne se passera évidemment pas comme prévu, obligera l'équipe à des changements de dernière minute. Alors, bon, Space Brothers, on va dire la même chose, en fait, on va dire que c'est toujours aussi bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur sait toujours aussi bien manier les effets de style pour rendre à contre-pied le lecteur, surtout. Il arrive à créer des rebondissements, on va dire tout bêtes, mais qui sont totalement efficaces. Je trouve Ouais, aussi qu'il... Ouais, je dis-moi. trouve, j'ai l'impression, enfin, il apporte toujours de nouvelles idées, il invente Ouais. des trucs, des schémas, des façons de faire, et c'est toujours très très efficace. Y a une vraie fonction pédagogique, je trouve. En fait, on devient curieux, on apprend beaucoup, hein, je trouve, à chaque tome, Bah, avec c'est clair les... que si ça te donne pas envie de t'intéresser à l'espace, je Ou sais pas faire ce autre qu'il faut chose, faire de quoi. plus, quoi. C'est ça. Et puis surtout, ben, il ne ménage pas ses personnages, c'est-à-dire qu'il a, notamment sur la fin, où les derniers chapitres peuvent être assez durs, en tout cas, peuvent entraîner, ben, on attend de voir la suite, évidemment, mais c'est vrai que ce sont plutôt pessimiste. Si tu te souviens des derniers chapitres, Tuntun. Oui, je me Ouais. souviens avec leur mentor. Tout à fait. Et enfin, pour finir, bah graphiquement, je trouve qu'il T'as essayé de a. me piéger. Bah oui, non, mais. C'est pour voir si c'était au point par rapport à ça. Et surtout, graphiquement, je trouve qu'il arrive vraiment à avoir une qualité. De dessin qui au début était plutôt chancelante dans les premiers tomes, mais qui a vraiment pris de la consistance. Mais ça, je dois me répéter par rapport au premier tome aussi, parce que j'avais déjà le dire auparavant. C'est pas impossible. Non, mais oui, Bah. il est un peu plus propre. En tout cas, on s'y est bien habitué au trait Ouais, final. tout à fait. Bon, voilà, est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur Space Brothers 12? Bah, c'est très très cool comme série Tout à fait. et j'adore. Parfait. Bah, tu vas nous dire pourquoi du coup tu n'as pas aimé Dragon Ball Emblem of Roto? Dragon Quest? Dragon Quest, oh là là, mon Dieu. Non, parce que L'absurde. Dragon Ball, j'adore. Le vrai, hein, Dragon Ball. Enfin bref, là n'est pas le propos. Dragon Quest, Emblem of Roto, j'ai S'il vous arrêté au plaît. tome 11. Oui. Déjà, j'ai été très loin, parce que ça fait un moment que je me dis que ça serait bien que j'arrête. Et j'ai arrêté parce que c'est clicheton à mort. Il se passe rien, il y a... Je t'interromps juste une minute. Ouais. Dragon Quest, c'est bien Daiboken ou ça a rien à voir, tu sais, avec tous les fly et tout ça, ou ça a rien à voir du Non, tout. non, c'est pas C'est les slides, c'est... non. Donc ça, Okay. c'est la quête de Dai, qui avait D'accord. été réédité il y Ouais, a non, mais je veux dire, tout ça, quelques... c'est un univers assez lié ou c'est pas lié? Parce que moi, je Non, m'y perds non, dans tout non, ça. y a pas D'accord. de lien particulier. D'accord. La série, elle date de quand? Elle date d'il y a... C'est pas les 90? Non, alors attends, il me semble c'est... Ah, en fait, je sais même plus. Ouais, mais je veux dire, Je Dragon saurais pas te Quest, c'est que dire. ça, pour moi, petit Dragon Quest, pour moi, je les mets tous dans le même panier, mais pas du tout, en fait. Bah... J'ai pas lu entièrement, donc enfin j'avais commencé à lire Sly à l'époque, mais qui a été réédité en La Quête de Dai. Dis Sly? Non, Fly, tu dis Sly? Fly, oui, Ouais. pardon. Oui, j'ai craqué. Et dans mon souvenir, c'était pas mal. Dans mon souvenir, c'était pas mal. Après, là, celui-là, Emblem of Roto, j'ai vraiment beaucoup de mal. Au niveau du dessin, c'est pas... Comment dire? C'est pas assez propre. Ça respecte le cahier des charges. C'est propre, c'est toriyamesque à mort. Et c'est juste ça. C'est-à-dire que bah, c'est fade. Il y a rien au niveau des décors, c'est pas intéressant. Au niveau de l'action, c'est efficace, mais c'est tout. Et au niveau de l'histoire, alors putain, c'est des clichés dans tous les sens. C'est les codes et rien que les codes, quoi. On n'en sort pas du tout. Et j'arrive au tome 11 et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a rien, quoi. Donc j'ai arrêté. Et voilà. Et j'aime pas cette série. Voilà, je me suis arrêté pile à la moitié, je crois, il y a 22 tomes. Je me sentais pas partir pour 11 tomes. Pourtant, ils sont pas très chers, ils sont à 6,60. Et l'édition est correcte. Et même plutôt vraiment pas mal, quoi. C'est édité chez Kiun, le papier est bon et tout. La traduction, elle est bien. Mais l'histoire, elle est absolument pas intéressante. Et j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé là, ça aurait pu se passer en 5 tomes, ça aurait été aussi bien, quoi. Donc voilà, juste j'ai arrêté, parce que ça me plaisait plus. Ah là là, terrible ça, hein. Terrible. Ouais, c'est décevant. Enfin bref, on va passer du coup, alors maintenant que j'ai tout mélangé, on va passer maintenant le maître des livres, tome 5, donc on a encore lu ça tous les deux, Antoine. Donc tu vas pouvoir nous en parler. Absolument. Alors, petit résumé, pratique. Dans ce cinquième tome, nous suivons les souvenirs de la propriétaire de la Rose Trémière. Donc la Rose Trémière, c'est la propriétaire de cette fameuse bibliothèque qui est spécialisée dans les ouvrages pour les ouvrages jeunesse. Et avant de découvrir les aventures citadines d'une petite fille en passant par la rencontre d'un personnage ayant connu Miko Shiba durant sa période d'étudiante. Voilà un peu ce que donne ce tome 5. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait l'évolution de la série. En fait, on s'intéresse davantage au développement des personnages. C'est pas la première fois, hein, c'est pas dans le premier tome que ça a commencé, mais ça devient de plus en plus flagrant. Il y a notamment la place des œuvres taillées qui est moins importante, hein, du fait qu'il y a ce développement des personnages plus important, mais qui est mieux intégré. C'est-à-dire que ce qu'on voyait dans les premiers tomes, par exemple, c'était qu'on avait il y avait un tome qui était conseillé, un livre qui était conseillé à un enfant. Il dit bah tiens, lis ça, tu vas voir, tu as mis par exemple s'il y avait eu l'île au trésor. Et de fait, en fait, on suivait l'île au trésor, donc ça pouvait être peut-être un peu considéré comme redondant, peut-être pour ça aussi qu'il y a cette modification là. De fait, on ne va plus voir ce personnage conseiller à un autre de lire tel livre, mais ça va juste se faire en fait au détour d'une conversation, mais sans qu'on va arrêter le développement pour autant de l'intrigue en cours. L'auteur semble davantage appuyer son propos sur l'amour du livre, hein, comme avec le chapitre où on a notamment une vieille dame qui recherche le livre qui aurait écrit son mari avant de mourir. C'est une autre façon de s'ouvrir à la lecture, hein, en s'intéressant à celui qui écrit, à ses motivations, et le pourquoi qui se cache derrière le lancement d'un projet de ce type. Alors, il y a forcément le problème, c'est qu'il y a des chapitres qui étaient un peu inintéressants. Alors, je pense notamment à la fugue de la petite Lisa qui était un peu hors sujet à ce niveau-là, et pas forcément d'un très haut niveau. Mais pour le reste, ça reste toujours du bon manger pour le cerveau, on va dire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Antoine? Moi, comme toujours, j'aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance qui est installée dans la série. Et en fait, quand je le lis, j'ai l'impression d'être dans la bibliothèque et de, tu sais, d'avoir cette ambiance un peu feutrée de la bibliothèque. Ouais. Et j'aime beaucoup cette sensation de lecture. Et voilà. Et puis j'aime le propos de la série. Et donc voilà, le maître des livres tome 5, c'est dans la lignée des 4 autres et ça marche toujours bien. Tout à fait. Très bien, très bien. Alors, on va passer à la suite. Alors, je vais vous parler de Silver Spoon. Je prends la parole. Hein, Vas-y, fais-toi plaisir. J'en profite. Silver Spoon, tome 11. Donc, c'est dessiné par Hiro Murakawa, édité par Kurokawa. Et donc, c'est pour le prix de la modique somme de 6,60€. C'est 80 ? Comment ? Je crois que c'était 6,80€. Ah, ou alors c'est moi qui a mal écrit ou qui a... C'est toi qui lis mal, je pense. Je lis mal, hein, c'est ça. Oh là là, 6,80€, tout à fait. Non mais, ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y en a qui suivent, même à minuit 33, donc c'est assez appréciable, en tout cas. Alors, Donc par rapport au résumé, donc Ah, déjà 11 tomes. Oh, mais je viens bien sûr, c'est pas d'halluciner. fini, c'est pas 11 fini. tomes. Moi, je me suis arrêté au tome 6 ou 7, je crois. Et le 12e tome était en cours de trad, en tout cas chez bah, il est déjà sorti au Japon. Elle est super prolifique. Enfin, excuse-moi de te couper, mais Et surtout elle fait pas quoi, Arslan en elle même a temps. Arslan en même Ouais, en temps et même puis temps, elle a Noble Arslan. Paysan. Eh ben dis donc, wow. Bon, ouais, c'est hallucinant. Je peux aller? Ouais, vas-y. Sinon, t'as lu, elle fait mal, tome double. Ce 11e tome, alors, j'ai pas fini FMA, il faut que je continue, et Arslan, j'ai arrêté au tome 2, je n'ai pas lu le tome 2, donc je pense que je vais essayer de le voir pour le lire, mais ça m'a pas, j'ai pas du tout accroché. Parenthèse. Et Silver Spoon, tome 11, t'en penses quoi? Alors justement, ce 11e tome de Silver Spoon commence par nous faire passer la Saint-Valentin en compagnie d'Aki et de Hugo, donc les deux protagonistes de la série. C'est aussi l'occasion pour les personnages principaux de l'histoire, de fêter la fin de leur première année et de se poser des questions sur leur avenir à court et long terme. Alors moi, le problème que j'ai pu avoir en fait, là je parlais d'un point de vue général au niveau de Silver Spoon et pas uniquement de ce 11e tome, c'est qu'en fait on n'est pas toujours facile d'apprécier le manga à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie graphique qui peut être notamment c'était le cas sur Silver Spoon où on va dire on va connaître des hauts et des bas sur la partie graphique avec parfois des dessins qui sont magnifiques et d'autres fois où les personnages sont assez grossièrement dessinés dans des décors pardon relativement vides. Ça, c'est les assistants, ça. Ah, c'est possible. Après, En tout cas. je n'ai pas là pour voilà. Enfin, tout le monde dans le même panier. Et je trouvais qu'à ce niveau-là, Full Metal Alchemist s'en sortait beaucoup mieux. Était plus intéressant aussi graphiquement, mais là, ça a l'air de se comment dire de se stabiliser en tout cas. Et il peut y avoir aussi dans d'autres mangas, du coup, la partie graphique est magnifique et la partie du scénario qui ne passe absolument pas. Alors là, c'est pour ça que je fais cette référence-là aussi, c'est que dans Silver Spoon, il y a un peu ce côté-là où à un moment, pendant les tomes précédents, on est sur la présumée romance entre Hugo et Aki et c'est un peu le festival du vide, quoi. Ça sert pas forcément à grand-chose et ça avance pas du tout, donc c'est un peu dommage. Et enfin, le tome 11 rentre dans le concret avec une vraie force, parce qu'on s'intéresse aux problématiques que rencontrent les étudiants, dont le cursus arrive bientôt à leur terme. C'est-à-dire que bah, il faut penser à chercher un logement, à chercher un emploi. Alors c'est évidemment comme ça n'a pas l'air non plus fun, mais il y a quand même un rapprochement avec la réalité qui est quand même assez rare, je trouve, dans le manga actuel. Et dans le 11e tome est vraiment, vraiment rafraîchissant à ce niveau-là. D'ailleurs, le parallèle entre Hugo et Aki est intéressant parce que le premier va, alors je spoil un petit peu, excusez-moi, le premier va souhaiter créer sa société et en fait dont on se rend compte que les obstacles administratifs ont l'air d'être aussi traumatisants qu'en France, mais bon ça c'est autre chose. Et pendant ce temps-là, la seconde cravache pour avoir le niveau de rentrée pour entrer à l'université agricole d'Oezo. Alors c'est sûr que là on n'est pas là pour sauver la terre ou etc. Mais bon, je trouve qu'à ce moment-là, paradoxalement, le manga redevient vraiment intéressant sur ce tome-là, et notamment par le fait que les connaissances de l'auteur à ce niveau sont très utiles quand on voit les informations qui sont distillées tout au long du volume. Alors, il y a, comme je disais tout à l'heure, donc il y a un vrai degré de réalité qui est mis en avant ici, mais qui restera dans l'univers du manga. Bon, il y a évidemment des moments qui sont moins sérieux. Hein. Il y a les chapitres autour de la Saint-Valentin, on va dire les traditionnels chapitres autour de la Saint-Valentin que l'on peut trouver dans les mangas. Et ça fait un, bon, ça c'est une réelle tradition. Comme s'il y avait un vrai besoin de la part des étudiants de décompresser. Alors le dernier chapitre avec la remise des diplômes et le discours du proviseur est un passage de témoin et elle ne m'a pas douté pour la suite de la série. Alors c'est vraiment, je conseille toujours, hein, c'est vraiment une série à lire, hein, même si les passages, il y a pu y avoir des passages à vide dans les tomes précédents qui pourraient en rebuter certains. Et bon, évidemment, là, je me tiens compte uniquement des 11 premiers tomes. J'ai pas encore lu la suite, donc je peux pas encore vous dire comment ça se passait, comment ça se déroulait. Mais en tout cas, ce 11e tome est plutôt encourageant Tu penses qu'il y en a pour la encore suite. beaucoup? C'est une bonne question, sachant je pense qu'ils ont encore une année à faire, hein, Ouais. en étude, donc ça peut, on va dire, ça peut aller peut-être faire 5-6 tomes. Ouais. Je pense qu'ils vont, ils vont peut-être trouver à rallonger d'une façon ou d'une autre. Mais à voir quoi. Je peux pas non plus vous te garantir qu'il y aura un développement plus important de l'intrigue. Alors sachant qu'en plus le proviseur dans son discours de fin de dans son discours de remise des diplômes commence à donner un peu la signification apporte des pistes à la signification du nom du manga de Silver Spoon. Oui, la cuillère argentée, c'est le surnom de l'école ou Voilà, c'est ça en fait. ouais. Mais bon, t'as absolument n'apprend pas grand-chose. Il reste assez vague à ce sujet, donc c'est pas forcément là-dessus qu'on va se baser quoi. D'ailleurs, c'est la cuillère d'argent, pas la cuillère Oui, argentée. tout à fait. Donc voilà en ce qui concerne Silver Spoon 11, en espérant que ça vous redonne envie de vous y remettre. Oui, Moi, je j'envisage, connais pas. mais Tu connais pas? Ben moi, le seul bouquin de la mangaka que j'ai essayé, c'était FMA et j'ai pas accroché en fait. Autant l'animé, j'avais adoré, mais après, Oula. j'ai pas réussi à. Le mec prend les chemins tortueux quand même là. Ah, Quoi? non, mais c'est risqué ce qu'il dit là. Ah non, j'ai pas accroché. Enfin, en même temps, si j'avais commencé à lire, mais après, ça m'a. Bah, j'ai pas pris le temps de lire la suite, j'ai pour faire regarder l'anime en fait. C'est tout. Et t'as pas essayé par exemple, c'était quoi? C'était Hero Tail? Ah ouais, mais bah, si t'as pas aimé FMA, ça sert à rien Non, c'est ce d'aller que j'ai pas rester aimé, là. c'est que j'ai juste pas continué. Non, non, mais enfin, ouais, si ça t'accroche pas plus que ça, Hero's Tale, c'est pas franchement. Pour moi, c'est un peu comme Arslan, quoi, ça fait un peu travail de Et Arslan, coloris. c'est pareil, je connais pas le manga, je l'ai connu via l'anime, bah via Wakanim, mais pareil, ça m'a saoulé au bout d'un moment en fait. Tu vas Donc prendre le Musso ou pas? non, moi je pourrais. Le seul Musso que j'ai pris, c'est Obuto. Parce Ah qu'écouter merde, Wakanim, ça devait être le pire, je pense. bah pour moi c'est le. Enfin, moi je suis fan de jeu, donc ça change selon les gens, mais pour moi c'est une Ouais. tuerie. Je suis fan du Oui, manga, donc. non, mais c'est clair. Non, mais Arslan, ça s'y prête, hein, après, avec les Bah chevaux et les apparemment, armées, il tout est ça. pas. Donc juste puisqu'on parle de Musso, en fait, c'est un Dynasty Warriors. Il y a Un un Dynasty défouloir. Warriors qui est sorti avec la licence Arslan. Arslan. Ah oui, exact. Et les premiers retours sont assez catastrophiques en fait. Ouais, apparemment c'est pas terrible du tout quoi. Temps, c'est un mousseau, quoi. Après, je sais Bah, pas c'est si ça. tu Ouais, penses non, qu'ils mais vont même apprendre pour des un noms. Musso, Ah ouais, en fait d'accord. il passe après Dragon Quest Heroes qui était apparemment très bon pour le genre et lui apparemment il est catastrophique, mais bon. Ça n'aide pas non plus, quoi. Ouais. Ok, on va passer alors à Prisoner Rikku 11 Un que vous manga de avez lu tous les bonhomme. deux. Oui, c'est du, c'est du bon. c'est du Ouais, très c'est très bon, énorme. c'est peut-être le meilleur tome qu'on ait Oh eu là depuis le là. début de la série. Le 10 et le 11, le 10 Ouais, et le 10. les deux là, Ouais. c'est un enchaînement, Là, ça te calme un c'est truc de comme dire fou. ça, mais là, tu sens vraiment ce truc, la virilité, la, comment dire, la camaraderie, voilà. Là, Ouais, c'est ouais. à fond, c'est vraiment dans. Il va à fond l'auteur et ça passe et c'est bien mené. Enfin, moi, Ah ouais, c'est c'est super excellent, quoi. intéressant Ouais. à lire. T'es vraiment pris dedans. T'as Riku et Renoma, le lien entre les deux et l'histoire qui se développe entre les deux et tout. Et c'est génial. Et le dessin, ça défonce. Moi T'as j'adore, vraiment. après il y en a qui aiment pas, mais enfin, Ouais, moi je peux j'adore. comprendre parce que c'est très brut. Mais il y en a Et qui me disent c'est. surtout c'est très vieillot, mais j'arrive pas à Ah comprendre ouais? ce que Ah, ça je veut trouve dire. Ils disent pas. c'est très années 80, certains, mais je Si, comprends pas. des fois, tu sais, t'as des dents un peu à la Captain Ouais, Tsubasa. mais. Ouais. Mais non, bah, moi C'est un peu ça. j'adore son trait et ses cadrages, et Ouais, franchement, je celui-là il est suis énorme. hyper fan aussi. Le 12 il sort jeudi en plus. Jeudi, donc le Le 12, 13, 12. 12. Le 12. Le 12, il 12 sort le novembre. 12, ouais. Donc on enregistre le 10 novembre. 11 maintenant. Mais c'est vrai que c'est. Moi, j'ai lu les 4 premiers tomes et. C'est assez énorme, quoi. Ouais, c'est très très puissant. Il y a une puissance qui se dégage de ce bouquin qui est vraiment impressionnante. Moi, ça m'a mis une claque. Et là, tome 10 et 11, les deux à la suite, c'est vraiment très très fort, quoi. Sachant qu'il y en a 25 pour l'instant. Pour l'instant, ouais, la série est encore en cours. Et sachant 25. que, je sais pas, peut-être pas, mieux vaut mieux pas regarder le 25, je crois que ça spoil légèrement, mais bon. Les couvertures? Ouais. Ouais, toi tu les vois forcément. Non, pas celle-là, je suis tombé dessus parce que je suis l'auteur sur Twitter et c'est un pote qui m'en a parlé vu que celui qui fait le lettrage c'est un pote aussi, donc lui qui lui est en avance et tout. Donc. Apparemment ça spoil pas mal. Mais bon, c'est pas un truc de ouais. fou, hein, mais de toute façon okay. c'est un truc un peu évident dans le sens, mais bon, c'est pas gênant quoi. Mais ouais, franchement, c'est une tuerie, cette série. Ça marche. Je pense toi aussi, Tom, tu la conseilles. Donc, Ah ouais, moi j'adore. C'est, enfin pour moi, au niveau shonen, c'est un des trucs les plus ouf que j'ai lu depuis longtemps. Quoi. C'est ouais. vraiment ça se vend pas du fort. Tout. De quoi? Oui, ça ne se vend pas des masses. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'était sur Mangamag, je crois. Voilà. Où il avait fait une interview. J'ai perdu Véret, son nom. Dominique. Ouais, Dominique Véret. Le directeur de collection d'Akata et ouais ça apparemment ça se vend pas et c'est enfin c'est une déception pour eux en fait. Oui, ils espéraient plus en ils fait. espéraient plus et surtout que c'est leur première longue série et du coup voilà surtout qu'ils avaient vraiment mis je pense qu'il a le décalage du premier tome ça leur a fait défaut. Ouais, Après, je trouve ça bizarre parce qu'il a pourtant une bonne visibilité. Le fait qu'il soit sorti tous les mois depuis quasiment un an. Ouais, mais ça... bon, après, est-ce que ça parle vraiment à. Enfin, je sais pas quelle est la cible de manga shonen, entre guillemets. Bah, je sais pas, ouais, moi je dirais shonen, mais ouais, après, c'est. Et puis c'est Akata, donc ça, ouais, c'est voilà, pas hein. forcément. C'est Akata de renom, enfin, ils ont pas une voilà, bonne renommée je dans le pense shonen. Que. Je pense que ça sort chez Glénat ou chez Kana. Il y a ça, puis Akata, chez c'est un Kiun, peu le ça côté, fait plus de bruit, j'allais quoi. dire, pas bobo, mais c'est un peu le côté. Ouais, bah, très revendicateur Et et tout, voilà. ouais. C'est... Et qui fait vachement de bien, je trouve, Ouais. depuis qu'ils sont passés en indépendant, Mais après, c'est depuis pas ce que je qu'ils sont cherche plus chez Delcourt. forcément les. Enfin, les lecteurs pourraient. Ouais, ouais. Bah, surtout pour un manga comme ça, quoi. Mais bah c'est vraiment dommage parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus frais au niveau shonen depuis longtemps et d'ailleurs en fait shonen ça veut rien Bon, dire après, ça ne veut rien parce que dire, quand tu donc... regardes ce qui est les thèmes qui sont évoqués et tout c'est pas spécialement shonen quoi mais en tout cas c'est vachement bien et je suis très content que Akata l'ait sorti parce que je pense que sans eux on l'aurait peut-être pas forcément eu. pense, ouais. Ça marche. J'étais en train de vous écouter d'une oreille distraite parce que j'étais en train de relire le dernier chapitre de Skate Dance 17. Le mec se refait ses fiches juste pendant l'émission, quoi. Non, c'est les transitions en fait surtout. Dans ce que j'ai, évidemment, je me souviens exactement de ce que j'ai lu, évidemment, Skate Dance 17, donc que nous avons lu tous les deux, toi et moi, Antoine. Tout à fait. Bon après on va pas forcément dire grand chose de plus hein, parce qu'on Alors, est vraiment Skate Dance, on en parle parce que faut parler faut quoi en parler à chaque tome, mais c'est par convention, quoi. c'est ça avec les bon toujours des là en ce moment sur le dernier tome il y avait toujours du moins bien du très bien du moins bien du très bien une alternance en fait en termes de qualité de chapitres hein, des histoires après comme à chaque fois il détend il prend un sujet et puis il l'étend sur 20 pages donc il y a des fois où ça passe des fois où ça passe pas. Il y a des choses assez bah il y a un vrai on va dire un vrai changement par rapport aux histoires d'avant, c'est-à-dire que notamment le président du conseil des élèves merci qui doit partir du fait qu'il est trop âgé, il ne peut plus rester au lycée parce qu'il doit partir à l'université, donc forcément voilà il y a un peu de changement à ce niveau-là. Avec deux personnages qui ont l'air d'être assez loufoques qui vont arriver, donc c'est assez cool. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, hein. Non, moi j'aime toujours sa façon de d'écrire les dialogues. Il y a un côté très réaliste. Ouais. Et la traduction est vraiment pas mal dans l'ensemble. Moi j'aime toujours bien le dessin. Le dessin est pas fantastique, mais juste parfait. Ouais, il tombe juste. Et voilà, en plus... maintenant, on connaît bien les personnages Ouais. principaux Même il y a une et ils galerie sont énorme, très quoi. C'est que. caractérisés. Et ouais, il est vraiment très bon là-dessus. On a plein de personnages différents, mais on arrive encore. On sait très bien qui ils sont. On n'est pas non plus gêné par le nombre important de personnages secondaires. C'est Donc vrai. voilà. Voilà. On va passer à la suite, hein, du coup. Yao, tu as lu le tome 2, le deuxième tome, pardon, de l'Arbre du futur de Riyad Sattouf. Ouais, je sais pas si vous l'avez lu, non? Non, du tout. Non, non, Ni pas le premier, encore. En d'ailleurs. fait, moi je connais pas, je connais Satouf via ses films, mais je connaissais pas du tout via la BD. T'as pas lu Non, ça m'attirait pas plus que ça, Pascal Brutal et tout ça. Ah, Pascal Brutal, Pascal Brutal. Et non, du coup je connaissais que le nom, mais Ça ça se passe à m'a Rennes pas en plus plus, quoi, tu attiré que ça. Et donc du coup, bah ouais, le père de ma copine m'a prêté l'Arbre du futur, donc du coup je me suis mis et j'ai trouvé ça, waouh, c'est une grosse claque, excellent. Et donc en gros, ben là, je crois que ça se termine en 3 tomes. Donc là, il y a 2 tomes, donc c'est un roman graphique de 160 pages, couleur à 20,90 €. Par contre, les éditions, j'en souviens plus, l'éditeur, Alary Édition, voilà. Et donc en gros, ça raconte l'enfance de Riyad Sattouf, ballotté entre la France et la Syrie. Donc sur le premier tome, ça se passe entre 78 dans son année de naissance et 84. Le deuxième tome entre 84 et 85, et après le troisième, je ne sais pas ce qu'il va couvrir. Mais donc en gros, ça raconte sa relation à lui vis-à-vis de la Syrie, comment ça se passe, sa relation en tant qu'étranger et blond, surtout, c'est important, avec les enfants syriens, au niveau de la politique, au niveau des codes de vie, et tout ça, c'est. Je trouve la BD super cynique, très dure par moments, surtout vis-à-vis de son père. Donc, parce que Riyad est l'héros et aussi le narrateur, donc il raconte comment son père se comporte. Du coup, c'est pas forcément glorieux pour son père, et même pour sa mère. Et c'est vraiment, c'est super intéressant en fait, parce que c'est pas que les côtés positifs de l'enfance. Il raconte vraiment tout ce qui a été dur pour lui. Et notamment aussi l'image des dictateurs genre Kadhafi qui est pas perçu de la même façon à l'époque que maintenant, ou même avec comment il s'appelle déjà, j'ai un trou, Al-Assad, voilà. Tout ça, c'est pas perçu de la même façon, donc franchement, je vous le conseille, rien que pour ces thématiques en fait. Ça change vraiment, et puis il y a des tics dedans. Il y a genre son père, quand il est vexé, il arrête pas de frotter son petit nez, et ça donne une sorte de tic graphique. C'est qui est juste, je suis mort de rire en regardant ça en fait. Et donc je connaissais pas rien, c'est tout. Du coup, ça me donne envie de découvrir, comme vous dites, Pascal Brutal. Ah là Non, franchement, l'Arbre du futur, je comprends le succès en fait, et franchement, j'ai hâte là. de lire ce tome 3 en fait. Succès Critique dans les ventes, et et. succès Ouais. critique, quoi, aussi. En même temps, je me dis, je comprends maintenant les beaux gosses et tout ça, les thématiques de. Ouais. Et surtout Jackie, et au royaume Ah des filles, je crois, oui. que moi j'ai adoré, mais apparemment ça a pas eu de succès. Mais moi j'ai trouvé super ce film, et Ah, c'est je génial. comprends la thématique. Juste le fait de que ça, comment dire, tu contrebalances le rôle de l'homme et de la femme, c'est une idée assez dingue, quoi. Et ouais, donc dans deux, tu vois, il apprend à lire l'arabe, on apprend comment ça se passe dans les cours de classe, avec les femmes voilées en haut, mais qui sont en talons et jupes, et tu vois comment ça se passe, comment elles s'endurent avec lui, comment la relation avec les autres enfants, comment il se fait taper, comment on traite de juifs, enfin, plein de trucs comme ça. C'est assez violent, je trouve, je m'attendais pas à ça en fait. Je croyais que ça serait plus drôle, mais c'est vraiment, enfin, moi j'ai perçu comme ça, c'est très très dur en fait. Surtout l'image du père en fait, qui est paralysante en fait, donc j'attends de voir ce que ça va donner dans le 3, quoi. Et franchement, je vous le conseille, hein. Je crois que c'est une grosse claque. C'est prévu de mon côté. Et après, au terme de dessin, moi c'est pas non plus le dessin qui m'attire, mais après je trouve que ça fonctionne, et ça joue toujours à. T'as des teintes jaunes, teintes roses, teintes vertes, teintes bleues. Je trouve ça fonctionne bien en fait. Après, je sais pas comment qualifier son style, mais enfin, je sais Bah, pas, il un peu est très personnel retourné. en fait. Ouais, voilà. Il Mais n'a pas ça trop passe, ça fonctionne. d'équivalent. Ouais. Mais je t'ai étonné, surtout qu'il a fait les gobelins en fait, je savais pas. Et j'ai appris qu'il avait fait Oui. les gobelins, donc je trouvais ça marrant. Bon, Tout à voilà. fait. Puis il vient de Rennes, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Et là, La tu dévis. référence. Bah, évidemment. Parce que Brutal, si ça se passe à Rennes, c'est pas pour rien, quoi, tu vois. Rennes en 2033. C'est un peu ça, c'est l'anticipation à Rennes, enfin bref. Et c'est marrant, juste pour finir, oui. C'est ancré dans les années 80, donc ça aussi c'est appréciable quand on est dans les années 80 de voir par les références tout ça. Oui, c'est vrai. Pas faux. Et bah c'est tout, et après bah, je vais vite enchaîner, je fais la transition. Vas-y, mais sur tu fais très 2024, bien. Il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort en novembre. Ouais, oui, parce que je l'ai pas encore lu et que j'ai hâte de le lire. Il sort le 18 novembre, c'est bon, il sort dans pas longtemps. Et qu'est-ce que je peux rien dire du coup. Dis que c'est très bien, ouais. On comprendra. Petite perso, j'avais qu'il y a des zombies et puis voilà, ça passe. J'ai eu une petite baisse de régime vers les tomes 20, je crois, 19-20. Bah ça, ouais, ça a repris et en fait, récemment. Bah, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un nouvel arc. Et à partir de ce nouvel arc, il y a quelque chose, enfin, des choses qui arrivent. Et à la fin du tome 24, tu dis, ah ouais, quand même. Donc voilà, c'est reparti pour le plus belle. Mais moi, mon seul problème avec Walking Dead, c'est... Je sais pas où ils vont... Enfin, je sais pas s'ils ont vraiment une fin. Ce que je dis, c'est toujours un peu le même schéma. Enfin, je trouve... Enfin, il se passe un événement, ils repartent, ils arrivent encore un autre moment plus fort ou pas, ils repartent, et du coup, je trouve... faut peut-être, je m'en souviens plus, mais je trouve la piste des zombies, toi, c'est plus important, je trouve, maintenant. Plus vraiment les relations humaines et comment ils se déchirent entre eux ou pas, les communautés, mais la piste, je sais pas s'ils en reparlent, s'ils vont trouver d'où vient cette épidémie, en fait. Pour qu'il y ait des cartes, ce thème, en fait. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'ils ont prévu une fin, parce que j'ai peur du... ça soit redondant tout le temps, quoi. Ouais. Moi, avant le tome 20, justement, enfin, avant le début du nouvel arc, et la fin de l'arc précédent, qui était pas mal aussi, j'avais vraiment peur. Enfin, je me disais, il faut que ça finisse, quoi. Parce qu'on tournait vraiment en rond depuis plusieurs tomes, et c'était assez chiant. Et en fait, ouais, le nouvel arc, il relance vraiment quelque chose. Mais j'ai peur aussi que... Bah là, ce nouvel arc, ça relance encore d'autres choses dans des relations qui sont pas mal, qui sont bien traitées. Mais du coup, ça amène à quelque chose d'assez fort. Tu te dis, ah ouais, putain. Ouais. Et tu te dis, ben, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que, enfin, bon, après, on connaît un peu les mécaniques, mais du coup, j'ai un peu peur aussi. De toute façon, clairement, on met de côté les zombies, quoi. Ouais, mais là, de plus en plus. Enfin, ouais et non, dans cet arc, il y a un truc qui est pas mal autour d'eux. Mais. Ouais. Oui, il y a un truc qui fait que. Ouais. Mais après, je dis, là, j'ai peur. J'ai peur que ça traîne en longueur pour rien, en fait. Pareil pour moi. Là, il faut vraiment qu'il retourne sur... Enfin, je sais pas s'il y aura une fin. Est-ce que ça va être une fin ouverte? Ça va être une fin... J'ai peur que tant qu'il y aura du succès, il y aura pas de fin, quoi. Ouais, j'ai un peu peur de ça, que ça soit pris, pris dans ce piège-là. Ouais. Ou alors, il fera un reboot comme il a fait pour Invincible. Ah, d'ailleurs, j'ai... Je vois pas l'intérêt. Ouais, toujours, c'est intéressant. Hein. C'est... Là, ça relance bien le truc. Là, ouais, ouais, ouais. Et juste pour terminer, c'était pas prévu, désolé Romain. Ah, mais vas-y, hein. Shingeki no Kyojin, le tome 15, je sais pas si tu l'as lu, Tuntun. Ouais. Donc l'attaque des titans. L'attaque des titans. Bon, on parle pour les connaisseurs. L'attaque des titans, c'est... Je trouve un peu, enfin, pas une baisse de régime, mais 13-14, c'est... Enfin, c'était une autre phase, je trouve. Peut-être plus du blabla et d'autres thématiques, mais la fin du 15, pour moi, ça répond à une question importante que je me posais depuis le tome 1, et c'est une tuerie, je trouve. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais... Bah, en fait, je m'en souviens plus. Je l'ai lu il y a longtemps. Et ça m'a scotché, du coup, j'ai trop hâte de lire le tome 16, parce que, disons que c'est un événement... ça répond à la question d'un événement qui se passe dès le tome 1 et qui est en suspens jusqu'au tome 15, en fait. Et on a la réponse. Par rapport à ce qu'il y avait au début, c'est ça, tu disais? Ouais. Par rapport au premier tome, pardon? Ouais. Donc après, je peux pas en dire plus. Enfin, par rapport au docteur, par voilà, rapport à... par rapport dis pas plus. Voilà. Dis pas plus. Et donc, là, c'est... Waouh. Voilà. Ce que j'ai envie, c'est une grosse claque. Tu dis, ah ouais, donc vivant, tome 16, putain. Et il disait, Innocence, c'est toujours aussi bien, toujours aussi beau, toujours aussi profond. Voilà. Ok, très bien. Donc on va passer maintenant aux fins de série, avant d'arriver vers le dernier Dernière partie de l'émission. Alors, c'est une fin de série qui sera totalement consacrée à Toon Toon et à ce qu'il a, aux fins de série qu'il a lu. C'est mon tunnel. C'est ça. Donc, tu vas commencer avec Belzébub, 28 tomes, quand même. Ah, ça existe encore, ça. Ouais, ça se finit. Donc, en fait, véritable dernier tome, c'est le 27. Et le 28, c'est quelques histoires, 5 histoires après la fin. C'est vraiment pour conclure la série, mais la véritable fin, c'est au tome 27. Et comme ça l'est depuis le début, c'est de la baston, de la grosse grosse baston qui tâche. Super drôle, j'adore, je suis toujours très très fan de donc, du Kaiden Cub, donc Oga et Bébé Bill. Et toute la galerie de personnages annexes. Qui sont aussi très très forts et voilà, à chaque fois que je lis Belzébub, je suis mort de rire. Vraiment, il y a des trucs, c'est super drôle. Ça mélange très bien baston et humour. Ça alterne bien entre les deux. Et du coup, voilà. Après, à la fin, il est devenu vraiment très très fort à un point incroyable. Mais c'est vraiment très bon et limite ça m'embête que ça s'arrête. Le format du tome 28 est pas mal parce que t'as un chapitre, une histoire et tu vois que ça fonctionne bien. En fait, il peut continuer et toujours inventer des histoires. De toute façon, il peut aller tellement loin maintenant. Il est parti tellement haut et il a fait tellement de trucs dans tous les sens, trop chelou, qu'il peut faire n'importe quoi et tu kiffes quand même. Et du coup, voilà, c'est simple, c'est drôle, ça se bat. C'est de la grosse baston. Et la fin est plutôt cool en plus. Et voilà, donc, une excellente série. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais, Romain, que t'avais arrêté un peu. Tout après à fait. Des tomes. Tome 11, je crois. Ouais. Je crois que tu t'es arrêté. Ouais, c'était un peu le passage un peu le plus chiant dans les enfers. Ah. Mais par la suite, ça va toujours plus loin dans le n'importe quoi. Et je trouve que il y a pas de temps mort comme il y a eu à ce moment-là. Et voilà, ça s'enchaîne super bien. Il y a toujours des idées et tout. Ouais, une vraie bonne série que j'aime beaucoup et que j'aurai plaisir à relire par la suite. Mais j'ai toujours confondu avec Zatubel, je sais pas pourquoi. Rien à voir. Parce que ça a vraiment rien à voir. Il y a un Z dedans, je crois. Il y a des séries comme ça, je confonds toujours. Donc tu conseilles, donc c'est un bon. Moi j'aime beaucoup. Après, je conseille de lire les deux premiers tomes. Ah, tu m'avais conseillé Vinland Saga, donc je peux te faire confiance. Ta honte avait conseillé Vinland Saga, parler de merde. Il y en avait une autre qu'on t'avait conseillé et qui t'avait pas plu. Ah oui, Poun Poun. Ah oui, mais là, mais non, mais si t'aimes pas Poun Poun, je vois pas ce que tu... T'aimes rien, de toute façon, t'aimes pas la vie. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, si t'aimes quand ça se fout des grosses trempes et que... Bah, j'aime pas les tournois, j'en ai marre des tournois. Bah, c'est pas des tournois. C'est juste, t'as un mec qui est trop fort, il a un bébé à poil sur le dos, et il défonce tout le monde. C'est et un peu ça va toujours punchman ou... Non, parce que c'est plus pipi caca quand même dans l'humour. Et du coup, l'anime, tu l'as regardé? Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai que tu regardes pas... Bah, j'évite les adaptations comme ça, à part One Punch Man, mais... Ok, bon, voilà. Donc c'est une série terminée en 28 tomes. Ouais. Donc c'est une vraie fin. Non, tu m'as dit la vraie fin, c'est le 27 en fait. Bah ouais, en fait, la vraie fin de l'arc, c'est le 27. Et après, derrière, il y a 5 chapitres. Ça fait un peu chapitre bonus, quoi. Je sais pas s'ils sont sortis à la suite ou s'ils sont sortis dans des numéros spéciaux de Jump ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est presque annexe, quoi. La vraie fin, c'est le tome 27. Ok. Et toi, Romain, t'as arrêté? Moi, j'ai arrêté tome 11, mais bon, peut-être que là, je vais peut-être m'y remettre, mais... Je peux le dire, ça t'a saoulé. Non, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que... Non, mais il y a un passage un peu dans l'enfer où... Voilà. Où c'est pas... C'est un peu chiant, mais ça au dure début, en fait, un tome et demi, un truc comme c'est ça. ça. Je suis arrivé au début, en fait, de l'arc, de ces fameux arcs-là, fameux arcs, ouais, ça. Donc, j'ai pas Et forcément accroché plus que ça après. t'as commencé quand, du coup, la série? C'est J'ai commencé au début, Non, je veux dire, la série en elle-même, c'est la même période que en Naruto, tout France? ça, ou... Non, non, non, c'est plus récent. C'est plus C'est récent. à peu près même période que Toriko, Skate Dance, Ouais, d'accord, ok. 2000, 2010, 2000, Kuroko. Au 2011. Japon, ça doit être 2007, je crois. D'accord. Et en France, ça doit être 2009, 2010. 2010, je crois. Un truc comme Ok. ça. Donc voilà, et du coup, c'est édité chez Kazé. Bah, je crois que c'est une de leurs premières séries Jump à Kazé. Ah, c'est possible. Ouais. Quand ils ont récupéré Catalogue, hein. le catalogue, ouais. Donc ouais, non, moi j'aime beaucoup, et voilà. C'est un bon shonen. Ok, bon, l'occasion. Ouais. Tout à fait. Alors tu veux parler maintenant de Gokuzun? Gokuzun? Gokuzun? Gokuzun? Gokusen. Merci Romain. Gokusen, qui est une série dont malheureusement je n'ai pas encore parlé Très vilaine. et Hein. qui Oh se là là, qu'est-ce finit. qu'il est vilaine? Elle commence pas par. Faut Non commencer mais par dire alors. que c'est ultra drôle. Ah mais c'est ultra drôle. Il y a un Mais trait c'est ultra particulier. moche. Je pense que c'est après totalement assumé quoi. Ouais, je pense, hein. Mais voilà, c'est au niveau du trait, ça me fait penser un peu du Minetaro Mochizuki, donc auteur dont j'ai parlé avant, Shizakobe, Maiwai, Dragon Head C'est et du La Dame de shoujo? la Maison Close. Je saurais pas le qualifier en Je sais fait. pas, quand je vois, ouais, j'ai un... bon, moi ça me fait penser à du Non, shoujo, alors mais chez ça doit être. Kaze, ils mettent ça en seinen. D'accord, ok, c'est marrant. Le trait. Très sincèrement, ouais, bah le trait en fait, ça fait un peu ligne claire en fait. Ouais. Parce que t'as, bah, c'est du trait, c'est plein, y a peu d'ombre, et c'est très simple, et c'est très rigide. Franchement, c'est pas joli. Les décors sont très vides, en plus le format est grand. C'est un grand D'accord. format, et du coup, tu vois bien que les cases sont vides. Mais voilà, donc en fait, l'histoire, donc c'est donc l'héroïne dont Et j'ai sur l'échelle perdu. de l'attaque des titans, c'est comment? Ah, c'est différent. Rien à voir. C'est différent parce que l'attaque des titans, c'est moche, Oui, je mais sais, ça te met dans une ambiance charrie. particulière. Mais ouais, bah c'est moche quoi. C'est moche, niveau Space Brothers, je sais pas, c'est plus moche Non. quand même. Ah oui, non, c'est plus. Oh, Mais c'est non, mais vide, c'est-à-dire le que truc c'est que c'est vide. c'est vide, c'est des traits qui sont anguleux, c'est. Alors, c'est pas joli, mais finalement, Mais en fait, c'est ce qui donne un peu le côté comique, parce que du coup, ça. l'auteur fait des têtes hallucinantes à ses personnages, notamment un qui se transforme dès qu'il est vénère. En fait, c'est un minet. Quand il est en mode normal, quoi. Puis quand il se vénère, en plus pour rien, à chaque fois, genre tu le regardes un peu de travers ou quoi, il se vénère et c'est comme s'il se transformait en Super Saiyan, mais très très moche. Et enfin, c'est des têtes pas possibles avec les yeux qui ressortent, t'as un poireau qui lui pousse sur le visage et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, l'histoire, c'est l'héroïne dont j'ai perdu le nom, Kumiko, voilà. Qui fait partie d'une famille, en fait, c'est la petite fille d'un grand-parrain d'un clan très respecté de Yakuza. Et en fait, elle est pas, enfin, c'est pas qu'elle est pas dans ce délire, mais c'est que elle, sa vocation, c'est d'être prof de maths. Et en fait, elle est prof de maths dans un lycée, le lycée de Loubar du coin, où il n'y a que des racailles et il n'y a que des mecs qui sont pas là pour étudier, mais juste pour foutre le bordel. Et en fait, elle arrive dans ce lycée et on lui dit ah ouais, mais ça va pas être possible, c'est un lycée de mecs, faudrait venir en jogging. Et du coup, pendant toute la série, tu la vois habillée en jogging, avec des couettes et tout, et elle ressemble pas à grand-chose. Enfin, mec, si, elle est plutôt. En plus, elle est plutôt mignonne, quoi. Malgré le trait très laid. Et malgré le jogging, elle est plutôt mignonne, quoi. le mec, c'est devant un manga quand même, hein, putain. Et du coup, elle est, c'est la prof principale d'une classe où c'est que des mecs, c'est que des, c'est la baston tout le temps, ils sont tout le temps à essayer de se battre et tout. Donc au début, ils essayent de l'intimider, mais en fait, elle est super balèze. Elle mate en fait, dans son clan de Yakuza, il y a des mecs qui la respectent à fond et tout. Et elle est mate, elle les met à l'amende totalement au niveau baston. Donc avec ses élèves, elle se fait très vite très respectée. Mais tout en essayant de cacher le fait qu'elle soit petite fille d'un parrain de la mafia. Et du coup, ça donne des histoires complètement folles. Voilà, il y en a un, Shin, qui est super beau gosse. C'est le mec très androgyne et tout. Lui, alors c'est une tête, il est super fort en baston et en plus il est, tu sais, c'est un peu genre Sasuke quoi. C'est le mec hyper taciturne. Il dit rien, il fait ce qu'il veut, on le laisse dans son coin et tout. Et voilà. Et du coup, il lui arrive plein de trucs. Lui, il découvre que justement c'est la petite fille d'un parrain. Et du coup, ça les embarque dans plein d'histoires. Et voilà. Donc c'est en 15 tomes. Faut pas se les, enfin faut rentrer dans le truc. Faut lire le premier tome, le deuxième en plus si, enfin voilà, si vous êtes chaud. Et après ça ira tout seul, vous enchaînerez les 15 tomes comme ça. Ça se lit facilement, c'est super drôle. Et c'est pas T'as, cher. c'est pas cher, c'est un grand format, ça coûte 7,90, 7,99 pardon. Et c'est important les 9 centimes. Et j'étais mort de rire du début à la fin de cette série. Et il n'y a jamais de temps mort. Enfin, je trouve que ça se renouvelle régulièrement. Il y a une galerie de personnages qui est incroyable. Et voilà. Et faut pas se laisser rebuter par les couvertures qui sont. Alors, le dessin est moche. Et en plus, c'est sur fond jaune, dégueulasse. Et Oui. voilà, ça donne pas envie la couverture. Et pourtant, c'est super, super drôle et super cool à lire. Et donc, c'est en 15 tomes, série finie. Et il y a eu une adaptation drama aussi, je crois. Il y a pas mal de temps, puisque c'est une série qui est assez vieille, elle date du début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu une adaptation drama que j'ai pas regardée, mais qui est apparemment vachement bien. C'est bien possible. Tu nous parles maintenant de la confrérie des lions blancs. Ouais. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit putain, c'est l'attaque des titans bis quoi. Juste, tu sais, avec la Ah ouais? typo Ah ouais, il y a un peu de ça, ouais. et en fait, je pense que c'est pas du tout. Pas du tout, et c'est extrêmement nul. Donc c'est édité ah carrément, c'est Ah édité chez ouais, non, j'ai pas Kumiko. du tout aimé. T'as pas du tout aimé la confrérie des lions blancs? Non, donc c'est en 2 tomes, série finie. Les 2 tomes sont sortis en même temps. Non, à 2 semaines d'intervalle, au mois de Ah ouais, septembre. c'est vraiment signe ça. Ça coûte 7,90 le tome, mais ça sert à rien que je vous le dise parce qu'il faut pas l'acheter. Mais t'as acheté les deux quand Ouais, j'ai acheté les même. deux, ouais, malheureusement, ouais. C'est dit, c'est près du but, je vais pas m'arrêter maintenant Ouais, c'est quoi. vrai qu'en 2 temps, Bah non, mais autant en y aller fait, ensemble. je les ai achetés en même temps parce Ouais. que je les ai pris plus tard. Et en plus, je suis Komiku sur Twitter. Ouais. Et T'auras défoncé la tu gueule sur cette sais, non, mais dernière. régulièrement, ils retweetent des tweets qui les mentionnent, qui disent que c'est des trucs positifs, quoi. Des Et trucs du coup, j'en ai négatifs. vu passer plein sur la confrérie des Lions Blancs. Ah, oh, c'est génial cette série et tout, trop fort. J'ai fait, bah ouais, en plus, la couve, elle me plaît bien, bah je vais y aller. Et puis, bah en fait, merde, quoi. C'est pas possible. Alors, pour faire le pitch. C'est dans un monde de fantasy. Enfin non, ça se passe à Édimbourg. C'est médiéval, ouais, si c'est médiéval. Et en fait, c'est des jeunes garçons qui vont se retrouver dans une école pour devenir des chevaliers. Et on va suivre leur entraînement. Donc ça se passe tout au long de la série. Enfin, des 6 années, je crois, d'école. Et à la fin des 6 années, il y en a un seul qui devient chevalier. Et donc t'as plein d'élèves comme ça, et donc on retrouve 4 élèves en tout. 4 ou 5, je sais plus. Enfin, voilà. Dont un, le héros, Thomas Abel, qui est un mec hyper studieux et tout, mais c'est une brêle. T'en as un qui est trop fort, Bernard Moreau. Alors lui, c'est français, donc. Bernard Moreau, quoi. Donc lui, non, mais tu vois, c'est. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est le français, c'est l'artiste, quoi. Donc lui, il en fait qu'à sa tête, mais il a Bernard des putains de Moreau, quoi. Et Romain, je vois ce que tu veux dire par rapport aux couvertures et la typo. Ah oui, tu vois, ouais. Ah oui, ça fait. Bah ouais, en fait, ça fait très. Mais non. Oh là là, les escrocs, putain. Et du coup, donc Bernard Moreau, Romain, qui te fait très plaisir. Ah non, mais c'est. Non, mais parce qu'en plus, ils ont tous des noms très connotés. Donc Thomas Sabre, bah c'est l'anglais très studieux et tout, qui a assez peu de capacité, mais c'est un bûcheur, quoi. Non, pas du tout. Non, ils ont pas de nationalité, ils le disent pas, mais bon, tu le devines au nom. T'as Bernard Moreau qui est le type, lui, il a un talent incroyable, mais il passe son temps à sécher les cours et à aller, il a pas un béret sur la chez tête. les prostituées. De quoi? Il a pas un béret sur la tête ou Non, non, non. Non, rien du tout. Non, il a pas une tête de français, il a une tête de héros de manga. Mais non, mais il mange des pommes. T'as Buzz Poller. Attends, non, mais alors, parce qu'en quatrième de coup, je vais vous lire quand même ce qu'ils disent. T'as Thomas Hubble. D'un sérieux à toute épreuve, sa fortitude est une source de motivation pour les autres. Donc sa fortitude, je comprends pas. Bernard Moreau, libre comme l'air, personne ne connaît toute l'étendue de son potentiel. Donc ça, c'est le français artiste et tout. Et il en a rien à foutre, mais il est trop fort. Voilà. Buzz Poller, malgré son air irrévérencieux, il se soucie sincèrement de ses camarades. C'est un Américain, ça. Ouais, c'est le bon pote, tu vois. Lui, il est dans la moyenne, il fait le con, et voilà, c'est cool. Et t'as Hermann Strauss. Alors, je pense qu'il est allemand. Considéré comme un génie, cet élève modèle cache un lourd secret. Il est allemand. Voilà son secret. Et en fait, on suit donc les personnages. Donc, l'autre là, l'anglais Thomas Hubble, et vu qu'il va travailler comme un dingue, il va devenir vraiment très très fort. Et Bernard Moreau, le mec qui en branle pas une, ça va être son rival. J'imagine la série une série d'animation toute pourrie avec des animations dégueulasses. Et ça me fait rire, quoi. Tu vois, c'est complètement con. Et moi, ça me fait penser un peu le trait, vite fait, hein, mais je me dis que ça pourrait être adapté avec le trait de Il était une fois. Ah, tu avec, dirais, tu sais, le méchant, là, les deux méchants qui ressemblent à rien. C'est ça. le français, là, Bernard Moreau, il a la même coupe de cheveux. C'est horrible. Et le dessin, il est même pas. Tu pourrais croire qu'il est plutôt joli en regardant la couve et en feuilletant vite fait le bouquin. Et en fait, la plupart du temps, c'est moche. On comprend pas grand chose aux scènes d'action. L'histoire, en fait, en deux tomes, il se passe 6 ans. Avec, en fait, c'est beaucoup d'ellipses avec des passages très précis, genre l'entraînement ou des trucs comme ça. On comprend pas le but, on comprend pas, enfin l'histoire elle a pas d'intérêt et c'est fade, ça a aucun goût, voilà, c'est inintéressant possible et j'arrive pas à comprendre les dizaines de tweets que j'ai vu passer disant que c'était génial parce que vraiment je comprends pas quoi, je comprends vraiment pas et bon bah tant pis. Ça m'aide pas qu'on s'intéresse plus que ça. Franchement je le déconseille très fortement quoi, ça vaut pas de mettre du coup c'est combien 7,90 par tome donc ça vaut pas 15 euros, achetez plutôt Gokusen. Voilà, exactement. Bah on a fini avec les critiques de cette émission, en tout cas les présentations des mangas que l'on a lu, des mangas, des bandes dessinées, des comics. Je vais maintenant m'occuper de la partie rétro sur laquelle on va revenir en fait sur Kenshin, donc Kenshin le vagabond. Donc, il y a 140 ans, Kyoto était pris dans le tourbillon mouvementé de la fin de l'ère Edo, une époque d'ouverture sur le monde marquée notamment par l'embarquement des navires noirs dirigés par le commandant Perry. Un homme nommé Batusa Imura vivait alors à Kyoto. Cet homme, un des principaux acteurs de la nouvelle ère, Meiji, mais aussi l'un des assassins les plus importants de son époque, disparut dès la fin de la guerre civile. Avec le temps, il devint une véritable légende. On le surnomma Batusa l'assassin. Cette histoire commence en 1878. Cette histoire commence en 1878 à Tokyo. Ce que je viens de vous lire est la première page de Kenshin le Vagabond, dessinée par Nobuhiro Watsuki, paru au Japon entre 1994 et 1999 au sein du Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Il sortit par la suite en France via l'éditeur Glénat. C'est avec un total de 28 tomes que la série se terminera, sortie lors de la décennie reine du Shonen au Japon, là où Dragon Ball venait de se terminer. Il fait office de lien entre les classiques du genre et les mangas des années 2000 tels One Piece ou encore Naruto. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si Eiichiro Oda sera l'assistant de Watsuki sur la série. Nous suivons les aventures de Kenshin Imura, bretteur de son état et personnage phare dans la transition qu'a connu le Japon au milieu du 19e siècle. Tout au long du manga, la thématique du passé fait office de fil rouge. En effet, là où il avait laissé son passé derrière lui, en devenant un simple vagabond sans but, il le rattrape sans concession. S'il dispose d'un sabre à lame inversée, créé de façon à ne pas tuer ses adversaires, il devra tout de même prendre des risques pour venir à bout de ses ennemis qui veulent renverser un pays encore fragile sur tous les plans. Accueilli au sein d'un dojo en perdition tenu par Kaoru Kamiya, il saura s'entourer de personnages ayant la volonté de se surpasser. On n'est pas dans un shonen pour rien. Sanosuke dans la force des points ne fait aucun doute en passant par Yaiko dont la volonté ne va de pair qu'avec un apprentissage rigoureux des arcanes. Autant dire que notre héros ne pourra profiter d'un peu de quiétude avant longtemps. Ces quatre personnages principaux seront d'ailleurs présentés dès le premier volume du manga. S'il faut attendre quelques tomes avant d'accueillir le premier grand arc avec la bataille face à Shishio, on rentre rapidement dans le bain. La phase historique de l'intrigue permet d'ailleurs à l'auteur d'intégrer plus facilement des personnages connus des livres tout en les adaptant au contexte du manga. Même chose en ce qui concerne les éléments historiques révélés régulièrement par le biais de dates. Sans aller jusqu'à l'Uchronie, cette mise au point permet à l'auteur d'offrir un contexte tout à fait crédible à l'aventure de nos héros. Le dessin de Watsuki est peut-être le point qui fait le plus polémique. Avec son trait daté des années 90 et qui vieillit assez mal, il est important pour le lecteur curieux de persévérer sur quelques volumes. Avec certains éléments rappelant le shoujo, par exemple les yeux de Kenshin et de Kaoru, et d'autres traits beaucoup plus durs, l'exemple des ennemis écrits en ce niveau-là, il faudra savoir jongler entre ces différents styles. Si, par la suite, son trait s'affirme davantage, le niveau reste tout de même homogène. De nombreux effets de style, dans la composition des planches, comme pour certaines cases... De nombreux effets de style dans la composition des planches, comme pour certaines cases de toute beauté. De nombreux effets de style dans la composition des planches, comme pour certaines cases de toute beauté, généralement réalisées lors d'un coup fatal, attirent l'œil. On ne pourra par contre que pester face aux onomatopées des premières éditions françaises sorties par Glénat, qui obstruent pour certaines des cases entières. L'idée de l'adaptation des onomatopées n'est pas mauvaise, mais elle nuit véritablement à la compréhension de l'action. La dernière édition sortie le jour, la Perfect Edition, gomme ses défauts avec en plus un format plus grand et l'ajout de pages couleurs. On retiendra de Kenshin une fresque historique adaptée de façon libre, avec une histoire qui essaie de nous tenir en haleine, mais aussi un dessin typé des années 90 pour le plaisir des uns et la grimace des autres. Une série animée de 93 épisodes a vu le jour, adaptant une grande partie de l'intrigue, tout comme une série d'OAV et un film live. Kenshin a aussi connu une seconde série du nom de Restauration, reprenant l'histoire du film live, justement avec au trait Nobuhiro Watsuki. Dites-moi alors du coup, messieurs, par rapport à Kenshin. Désolé. Je vois pas ce qui est drôle, hein. Moi j'aime beaucoup la série à la base. Ouais. J'aime bien le style. Bah, les combats sont vraiment péchus. Le style, en plus le dessin avec des traits très fins qui changeait beaucoup à l'époque de ce qu'on voyait ailleurs. Kenshin et les personnages qui l'entourent et tout, je les trouve vraiment cool. Après, je rebondis vite fait sur ce que tu as dit sur les onomatopées. Il y a un très bon article sur les onomatopées, sur la traduction des onomatopées qui est sorti sur Nostroblog, et qui est super intéressant et justement qui montre une page de Kenshin, première édition, donc avec un gros scratch qui pète toute l'image du truc. Et l'édition perfecte non traduite ou non je sais plus si c'est l'édition perfecte ou c'est traduit en petit à côté de l'onomatopée et qui est vraiment beaucoup plus respectueuse de De l'œuvre l'œuvre. et du coup l'article est super intéressant et on voit que Kenshin c'est un truc qui a marqué C'est quoi le nom du site déjà? Nostroblog Nostroblog S Baisse. Non, pas de S. Et du coup, ouais, moi, j'aimerais bien essayer la Perfect, parce qu'elle elle a l'air vraiment Ça pas qui donne mal. envie, hein. J'adore les couves, je les Ouais. trouve vraiment classe. Et voilà, et puis d'en reparler comme ça m'a donné envie. Ben, ouais, j'avoue Attention, la mauvaise que langue. non, mais de toute façon, je connais pas. Enfin, je connais pas le manga pour dire les choses. Moi, j'ai connu Kenshin. Enfin, tu sais, je connaissais à l'époque, mais juste de nom et en feuilletant. Mais j'ai connu Kenshin plus par l'OAV. C'est le premier où le design ne ressemble pas du tout au manga, où c'est un ton plus sérieux. Et ça, j'ai vraiment adoré. Mais du coup, ça m'a pas aidé pour m'aider à découvrir le manga en fait. J'ai trouvé il y avait une telle différence de design et de ton. Après je sais pas, je connais pas du tout le manga donc je savais pas. Pour moi j'ai toujours vu un truc humoristique en fait. Enfin, rien qu'au design en fait du perso. Mais par contre la présentation ça m'a bien donné envie mais après je sais pas si c'est pas trop daté. Bon, peut-être parce que Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais dans mon souvenir, c'était plutôt ça marchait bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Et dis donc, et du coup, toi, t'as acheté la Perfect, vu que t'es fan de Kenshin ou Alors, pas? moi, j'avais la première édition, en fait, si tu veux, ça fait partie des premiers mangas que j'ai achetés. Ouais. Mais du coup, si elle est un peu pourrie, t'as pas rejeté, tu t'es pas acheté sur les Perfect, du coup? Non, parce que, alors, c'est vrai qu'elle est intéressante, elle donne envie aussi, mais racheter une Bah collection juste c'est pour avoir... c'est toujours le problème, tu sais, c'est un peu pareil avec DB Ouais, mais ou DB, Doctor entre Slump. guillemets, c'est la vraie... Non mais voilà, Bah, ouais, tu on vois. est d'accord. Mais tu vois, moi j'ai l'édition arc-en-ciel de DB et j'ai toujours pas racheté, enfin j'ai commencé la Perfect, mais je dois être au tome 4, un truc comme ça. Après moi j'ai la Et Perfect, j'ai en complète parce que justement j'ai attendu en fait d'avoir. J'ai jamais acheté les anciens donc. ah bah voilà. Mais c'est moi j'ai Doctor Après je te Slump comprends parce et que c'est un. Dragon Ball, je les ai en édition arc-en-ciel. Elles sont vraiment pas terribles. Doctor Slump, j'ai racheté la Perfect. Pareil Mais aussi. c'est un coup quoi, c'est pas Bah, c'est vrai que c'est un coup, mais c'est après, un coup et derrière, il y a du Dragon boulot Ball quand même. 34 je Ouais. crois Ouais, mais en Kenshin, il y en a Perfect. 22, si je dis pas de bêtises. Et tu vois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait super envie, surtout que les couves de Kenshin en Perfect, elles sont vraiment très très Je dis ça, jolies. c'est surtout connaissant, tu vois, les premiers mangas quand ils ont Ah été ouais, non, mais édités. c'était... Je sais pas Voilà. si c'est dans le sens français, Kenshin. Non, je Non, crois que c'est c'était les dans le sens japonais. japonais. Et déjà, c'était vraiment dégueulasse la fab des mangas Bah, t'as Glénat. les pages qui se décollent, t'as... Voilà, Enfin, donc. voilà, c'est pas terrible, Après, quoi. ça toujours un plus, les Perfect, quand je vois la version de Okuto, la version GB, Ouais, la version là... Oui, KB. ouais. Elles sont magnifiques. Hein. Et c'est pareil, Saint Seiya, j'hésite. Après, je comprends ce que vous voulez dire, parce que Saint Seiya, j'ai la collègue Kana de base, et j'hésite à me racheter Et la puis, Perfect. enfin, le dessin de Kurumada, qu'il soit sur un petit format ou sur un grand format, c'est pas, enfin voilà, c'est pas un truc comme DB ou à la rigueur, enfin le dessin de Toriyama ou le dessin de Ouais. Watsuki, c'est des trucs qui peuvent être mis en valeur par un grand format. Kurumada, un peu moins, je pense. Kurumada, c'est quel C'est Saint Senseiya? Seiya. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, donc du coup, bah Kenshin, je sais pas, faudrait que je tente, mais je me dis, est-ce que c'est Bah, à pas la du limite, trop attendu ou tente les deux premiers tomes. Ça... Et après, l'univers, ça me parle, tu vois. J'ai toujours Ouais, je pense que ça te plairait en plus, hein. une appréhension par rapport Alors, tu dois justement. trouver, ils avaient fait des. Je sais que c'était. Alors, c'était chez France Loisirs, ils avaient fait des doubles tomes Ah pour ouais, Kenshin. mais ouais. Non, mais à la limite, pour Non, tester. mais sinon, tu vas en Fnac, hein. Tu feuillettes un peu, Non, mais tu t'as lis raison, je suis un bête, en mille fait, j'en tomes. parlais, mais la bibliothèque, tout simplement. Ouais, Oui, la voilà. bibliothèque, ouais. Sinon. Du coup, ça te Mais. permet de te faire une bonne idée, Parce et puis si ça qu'il te plaît, tu n'est pourras pas sorti en investir. même temps que Kyo. Avant, je pense. Kyo, c'était C'est plus avant. tard, en fait. Non, c'était avant. Kyo est après, Je pardon. pense, Kenshin est ouais. avant. Ouais, je pense. Et Parce que c'est c'est mieux vrai que que. Kyo, hein. Hein? Vraiment, c'est C'est mieux mieux? que Ah Kyo, oui. par contre. Bah, Kyo, c'est plus. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est vraiment du shonen de base. Ah oui, c'est un peu comme Dragon Quest, quoi. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est les codes et on n'en sort pas, quoi. Et c'est très répétitif, c'est du cliffhanger pour du C'est cliffhanger. ça. Voilà. Par contre, juste pour Nobuhiro Uematsu, ensuite il a fait Busou Rankin. Et après, il a fait un espèce de remake de Frankenstein, je me Oui, souviens plus du nom. je vois ce que tu veux dire. Et franchement, c'est très dispensable. Ouais. Et du coup, Busou Rankin, c'est mauvais. il a pas survécu à son succès. En gros. Bah Pas non, il Kenshin. reste. En fait, il reste très affilié à Kenshin. Ouais. Kenshin, ça vit encore très bien au Japon. Il y a encore des versions animées et tout. Ah d'accord, ok. Ouais, après, bah, Busou Rankin, ça a fait quand même un certain nombre de tomes, je sais plus combien, peut-être une quinzaine, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Mais moi, j'ai pas du tout aimé, enfin, il y a rien d'intéressant dedans. Le héros, il a un masque de papillon, si je me souviens bien. Enfin, c'est pas très intéressant. L'espèce de remake de Frankenstein, c'était pas mauvais, mais ça souffrait d'un rythme de parution très très lent. Et en fait, je sais même pas du tout où en est la série actuellement, quoi. Je pense que c'était édité aussi chez C'était Glénat, je crois. chez Glénat, ouais. D'accord. On vous conseille. Bah, Kenshin, ouais, les autres séries sont, comme disait Antoine, sont un peu plus sont indispensables. D'accord. Embalming. Et pour te dire, ouais, super. Hein. Embalming, une autre histoire de Frankenstein en 7 volumes. Et Mais Busou Rankin j'ai aux mes doutes, éditions. Romain, parce que vu que tu n'es pas prêt à passer à la caisse pour acheter les perfects, je me dis, il y a un truc. Non, mais après, si ça ne dérangerait pas d'acheter la perfect de Dr. Slump, par exemple. Parce que je l'ai Oui, pas. mais. Ouais, et puis Dr. Slump, c'est indispensable. Ouais, Ouais, mais mais ça veut si dire que Kenshin, c'est j'avais pas déjà su, indispensable. si j'avais déjà moi en Si, mais version. Dr. Slump, c'est plus indispensable. Dr. Slump, c'est vraiment une série de folie, quoi. Et juste, je me rappelle de ça, c'est que Watsuki a été l'assistant d'Obata à ses débuts. D'accord. Et donc Et tu du coup, disais, ça se ressent pas du tout dans le trait. ah oui, c'est Et tu clair. disais que Oda, ça a été son assistant, c'est ça? Ouais, il Ouais. était assistant. Et il a eu, Alors, si je me souviens bien aussi, il a eu, merde, comment il s'appelle? L'auteur de Shaman King, Takei. oh, lui aussi, il a disparu. Ouais, bah ouais. Ouais. Il avait pas repris la série d'ailleurs, Shaman. Si, Il l'a fini parce que ça s'était. Enfin, ils avaient un peu. bâclé. Ouais, il avait. Comment dire en fait, il avait pas eu la fin qu'il voulait. Glénage, non, c'est. Le Jump avait arrêté sa série un peu à l'arrache. Et du coup, il avait repris. Il avait refait une fin en quelques tomes, je sais plus, peut-être entre 1 et 3 tomes, quoi. Et Ouais, c'est ça. il avait fini pour faire un truc vraiment bien, il me semble. Et sinon, récemment, il a fait un truc Ultimo, je crois. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez. Du tout. Alors, je sais plus, mais c'est un peu dans le même style que Shaman King, quoi. Enfin bon, on dérive. Ouais. D'accord. C'est sûr. Et du coup, t'as vu tous les films de Kenshin, toi? Non, juste l'OAV notamment dont on a parlé ensemble, Bah, c'est le plus mythique, en fait, mais. la plus belle quoi. Mais après, si je comprends, il n'y a pas eu deux AV après. Il y a eu 4 AV au total. Et les OAV des deux années, c'est pas plus ressemblant au design du manga ou un truc comme ça, ou il y a une série télé ou non? Il y a une série télé, mais qui, c'est vrai qu'au niveau du design, c'est évidemment, on retrouve les mêmes personnages, mais le chara-designer n'est pas forcément très, comment dire. Respectueux, en tout cas c'est joli, mais si tu veux, on sent vraiment du chara design de Watsuki, qui est pas forcément plus, je pense qu'il est, c'est aussi parce qu'il est pas forcément facile à animer aussi comme ça, mais sinon il y a eu un film live en plus. Et est-ce que Kenshin a influencé des auteurs par la suite ou pas, des gens genre Araki, l'auteur de je pense qu'il a influencé quelques auteurs assez récents, parce que déjà il en a eu certains comme assistant, et parce que ça a été quand même un très gros titre du Jump, fin de Dragon Ball en même temps que Slam Dunk, c'était vraiment le très très haut du Jump, quoi. Ouais, c'est ça. Donc okay. Je pense qu'il a eu de l'influence, ouais. Ok. Bon, faudrait que je teste ça, je me dis. Ça marche. Ouais. Ben voilà, je pense qu'on a quasiment terminé avec cette émission. C'était un peu rude, mais on a réussi. Alors du coup, pour terminer, alors quelles ont été vos couves du trimestre, messieurs, du bimestre surtout, Tuntun? Moi, c'est pas du bimestre, c'est un peu plus loin, mais c'est le Château des Étoiles, ouais. Qui, comme d'hab, sont très très belles. En plus, ouais, avec ce format gazette que j'aime beaucoup. Et ouais, c'est tout ce que je retiens, puisque les dernières m'ont pas spécialement emballé. Ouais. Si, peut-être la confrérie des lions blancs, non? Pourquoi pas? Non, ouais, le château des étoiles à fond. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Magnifique, même les couvertures, les rigides avec le vernis sélectif est magnifique. Parce qu'en plus, il y a deux éditions pour le château des étoiles. Pour le tome 1, je crois que sur le tome 2, il y en a qu'une qui est sortie pour l'instant, mais il y en aura une plus tard. C'est que du coup, t'as une en format relié, format classique BD franco-belge, et t'en as une avec un plus grand format qui est au format de la Gazette, justement, au niveau taille. Oui. Et dans lequel il y a les articles de la Gazette, il me semble, et qui a une superbe couverture avec un dos toilé, enfin, c'est magnifique. C'est plus cher, ça coûte 35 €, je crois. D'accord. Mais elles sont vraiment très très belles, et je pense que pour le tome 2, ils en feront aussi. Ok. Est-ce que toi, t'as une couverture qui t'a plu parmi les choses que tu as lues, Yao? Non, pas plus que ça, en fait. Il n'y en a pas une qui m'a décroché la mâchoire, on va dire. Non. Enfin, ça sent joli, mais sans plus... Non, pas plus que ça, non. D'accord. Moi, j'aurais une, vraiment, c'est Skate Dance tome 17, s'il fallait en choisir une, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une qui ressort du lot, parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Il y a un côté réaliste, sérieux, par rapport à la série, qui ça dénote avec le reste, et ça... Bon, il n'y a pas un côté dramatique, mais ça montre aussi, notamment, le passage de témoin qu'il y a sur ce tome 17. Si, à la limite, mais je connaissais pas de Scott McCloud, la série de... Ah, le sculpteur. Le sculpteur de la version US. Qui est pas mal, ouais. Qui est super bien, et c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé. Mais bon. C'est sûr. C'est clair. Ben voilà, messieurs. Donc, nous voilà donc de retour avec ce nouveau BIM, en espérant que le prochain arrive également dans 2 mois. Et en tout cas, on vous dit en 2016. Eh ouais, ça sera le bilan. On pourra faire le bilan de l'année 2016. Calme. Et en 2016, janvier 2016, il y a One Punch Man. Exact. Ça, c'est la classe. Ça tue la gueule. Donc voilà, messieurs, je vous souhaite en tout cas à tous les deux une bonne soirée, puis à tous les étudiants une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous nous écoutez. À bientôt. Pareillement. Salut, matinée.